Bonjour à vous, chers poditeurs et poditrices. Une petite annonce avant de commencer cet épisode pour vous dire que je vais arrêter le podcast en fin d'année scolaire, vers le mois de juin ou juillet. Et pour le dernier épisode, j'aimerais vous mettre à contribution, vous les auditeurs. Et donc, je vais vous demander de répondre à la question « Pourquoi tu roules ?». Donc, l'idéal, c'est de m'envoyer un fichier audio où vous répondez à cette question. Mais vous pouvez aussi y répondre par écrit. L'idée étant de passer ces extraits lors du dernier épisode pour finir en beauté, le dernier épisode de la saison et même du podcast. Je passerai toutes vos réponses, comme ça on va pouvoir les écouter et on aura toutes les motivations de tout le monde. Enfin, j'espère que ce sera très intéressant. Donc si vous m'envoyez un texte seulement, je le lirai à votre place. Alors si vous n'êtes pas vraiment inspiré par cette question, vous pouvez à la place répondre aux questions que je pose en fin d'émission à mes invités. Je mettrai ces questions dans les notes de l'émission. Donc j'espère que vous serez nombreux à y répondre. Vous avez donc jusqu'au 1er mai 2021 pour m'envoyer vos réponses. Voilà, bonne écoute de l'épisode. Bah ouais, parce que 14-15 ans, aller tout seul faire une randonnée, c'est oui, faut, comme tu dis, faut avoir du courage un petit peu, quoi. Voilà, savoir se retourner, rouler en arrière, juste pour pouvoir se dire, aujourd'hui, je sais, j'ai appris à rouler en arrière, ou aujourd'hui, j'ai appris à mettre un pied devant l'autre, à rouler sur un pied pendant un mètre, puis deux, puis cinq, puis dix, puis quinze, puis vingt, etc. Écoute, il n'y a pas de souci. La seule chose que mon père a su me dire, c'est t'es prêt à te lever à 5h du matin et à faire un sandwich en arrivant à la maison ce soir. Il était 22h. Bah voilà, comme les vitesses qu'on connaît aujourd'hui, 40, 42, des pointes à 60 km/h sur du plat, moi c'était une image qui m'avait marqué, qui m'a dit « Ah ouais, en fait, on peut faire ça en roller ». C'était pas du tout sécuritaire, c'était pas du tout calculé, mais ça sans casque, sans rien, enfin c'est pas une bonne image qu'il faut donner, ça c'est sûr quoi. Mais pour moi, ça s'est passé comme ça. Prends aujourd'hui entre recommencer ou ne plus jamais faire ça, ce que je venais de vivre, va décider beaucoup de choses. Et c'est pas bien parce que c'est extrêmement dangereux. Mais voilà, comme je dis, c'est passé comme ça pour moi. C'est comme ça que le goût de la vitesse m'est apparu. Donc pas d'ambulance, pas d'événement. Ok, très bien. Donc il nous dit, bah restez prêts parce que ça peut partir à tout moment. Alors, une organisation qui dit ça à quatre personnes qui disputent un championnat du monde en haut d'une piste, t'imagines bien des lions en cage. Nous sommes le dimanche 12 décembre 2021, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de roller en ligne. Donc pour cet épisode, nous allons parler de roller descente. Alors le roller descente, qu'est-ce que c'est? Eh ben vous allez tout savoir, hein, puisque j'ai avec moi Sylvain Bert, qui justement est champion du monde. Bonjour Sylvain. Bonjour Philippe. Alors Sylvain, donc dans cet épisode, tu vas nous parler de ton parcours dans le monde du roller, et puis tu vas aussi donc nous parler un petit peu de cette discipline ou de ces disciplines. On va éclaircir tout ça avec toi, donc qu'est la descente. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Sylvain Bert, j'ai 25 ans, j'habite à Nancy, je suis photographe depuis septembre de cette année en auto-entrepreneur et avant ça je travaillais dans la boutique du Cri du Kangourou, le CDK à Lyon pendant 3 ans. Voilà, je suis issu d'un parcours universitaire de fac de sport que j'ai arrêté en cours et nous voilà aujourd'hui. Eh ben, très bien, ben, on va pouvoir... Il y a déjà des questions qui me viennent à l'esprit, mais donc on va recommencer par le début. Donc raconte-moi ton parcours et tes expériences de patinage. Donc c'est quand la première fois que tu as vu des personnes faire du roller ou tu as mis des rollers pour toi? Enfin, raconte-moi un petit peu tes premiers pas sur les rollers. Alors moi j'ai deux flashs, on va dire, sur des premières expériences, un premier vécu de patinage. Je faisais du roller quand j'étais petit, un peu comme beaucoup de gamins, voilà. Donc moi j'avais une impasse dans laquelle mes parents habitaient, dans laquelle je faisais du roller et mon père venait me chercher à l'école primaire à l'époque avec des rollers le samedi le samedi matin, ou je ne sais plus exactement, je rentrais en roller. C'était, voilà, ça, c'est mes tout premiers souvenirs de roller. Puis j'ai posé les rollers pendant plusieurs années. Ah, donc ton père venait en roller lui aussi? Non, il venait en vélo avec les rollers dans la cagette du Ah, vélo. d'accord. Non, j'ai pas de famille de patineurs. Je Ah suis oui. le seul sportif de la famille. Et puis deuxième souvenir de roller, donc là plus grand. J'étais adolescent, on était dans un petit parc, on venait de sortir d'un repas avec des amis à mes parents, et on a vu passer devant nous la rando roller de Nancy qui avait lieu du coup tous les vendredis soirs. C'était, je crois bien que c'était même la culture roller, ça s'appelait. C'était vraiment le gros événement de roller à Nancy cette année-là. Donc, c'était plutôt le bon croisement des hasards. Quelqu'un en a discuté un petit peu avec un des encadrants de la rando qui a fini par être un très bon copain à moi. Et donc, de là, j'ai commencé à faire du roller vers mes 14, 15 ans, je dirais. Voilà, c'était vraiment une période adolescente. À fin collège, début lycée, où j'ai commencé à faire du roller. Alors, t'en faisais avec des amis à toi? Pas du tout, en fait. J'ai toujours fait beaucoup de sport, et puis j'ai eu arrêté quand je suis rentré au collège de faire du sport. Donc, quand je dis du sport, c'est j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait de Ouais, voilà, donc plein de petits sports comme du sport en club quand même, encadré. voilà, toujours du sport encadré. On va dire qu'avant ça, ma grosse, entre très gros guillemets, expérience, je venais du monde du judo. Donc, voilà, j'ai fait 4 ans de judo quand j'étais gamin. Puis après, j'ai bifurqué vers de l'athlétisme, vers, voilà, comme je disais, escrime, etc. Et puis j'avais raccroché pendant un an ou deux, je faisais plus rien parce que j'avais pas envie de faire autre chose. Et puis je suis tombé sur ces gens en roller, ça me donnait envie. Je suis allé voir ma mère, je lui dis, écoute, j'aimerais bien refaire un petit peu de sport. Il n'y a pas vraiment de club, mais il y a des randonnées le vendredi soir. Donc, est-ce que je pourrais avoir une paire de rollers? On est allé acheter une paire de rollers à peu près comme Monsieur Tout le Monde à Decathlon sur mes 15 ans. Et j'ai commencé par là. Ouais. Et alors, ouais, donc t'as pris la première paire qui venait à Decathlon, je suppose. T'as pas. Complètement. Et ouais, voilà. Et c'était dans le but donc de faire des randonnées en fait. C'est ça, dans le but de faire des randonnées, d'aller me balader avec ces gens-là. J'y suis allé on va dire, j'ai pris un petit peu mon courage le Bah ouais, jour-là. parce que 14-15 ans, aller tout seul faire une randonnée, c'est oui, faut comme tu dis, faut avoir du courage un petit peu quoi. Ouais, mais après, ça faisait un peu partie de mon caractère. Je ne veux pas dire que j'aimais bien être seul ou quoi que ce soit, mais ça ne me dérangeait pas de passer par-dessus des petites, comment dire, difficultés sociologiques comme ça Ouais. pour apprendre à faire des choses. Donc, j'ai demandé à mon père de m'y emmener, et il m'y a emmené, il m'a accompagné jusqu'au début de la randonnée. Donc, le premier quart d'heure, il a vu un petit peu les gens qui étaient. Il y avait déjà un gros groupe d'encadrants et d'amis, donc toutes des personnes adultes qui s'entendaient très bien, un noyau très solide à Nancy. Donc, bon, ça, c'est des gens, voilà, des gens très bien. Et puis, je suis parti ce soir-là faire la randonnée. J'ai fait toute la randonnée. C'était 21 km, je crois, parce que j'étais très fier d'avoir fait 21 km Ouais. sur la tête de randonnée. C'est pas. Alors, attends, parce que t'as acheté tes rollers et est-ce que tu t'es réentraîné entre-temps ou tu savais que t'avais le niveau? J'ai remis mes patins, mais comme j'en avais fait quand j'étais gamin, finalement, c'est assez vite revenu, quoi. Et j'avais déjà, quand j'étais gamin, je ne voulais pas mettre de frein. Donc j'avais pas de frein, je savais déjà me retourner, je savais à peine rouler en arrière, mais voilà, j'avais quand même une aisance sur les patins qui me permettait de me dire, je peux me déplacer en ville, je vais pas avoir trop de difficultés. J'avais un peu d'appréhension la première fois que j'y suis allé, en me disant, est-ce que ça ira trop vite? C'est pour ça que j'étais assez fier d'avoir fini la randonnée en étant en tête tout le long, parce que j'avais vu que c'était quand même accessible. Voilà, puis ça allait pas très vite, hein. C'était Oui. la randonnée, quoi. Mais comme j'en ai fait quand j'étais petit, du coup, là, pour le coup, c'était pas. Moi, je me suis pas posé des questions en me disant, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais tomber, pas tomber, quoi que ce soit. Hein. Oui, Ça me ouais. passait pas par la tête à ce moment-là. Bon après, mais c'est vrai que la distance, surtout à 14 ans, faire 21 km quand enfin, c'est pas évident, quoi. Ouais, je saurais pas dire parce que je me suis pas posé ces questions-là, en fait, au tout début, vraiment, sincèrement. Ouais. Alors donc, oui, est-ce qu'il y avait des personnes de ton âge ou t'étais le plus jeune? Et ben, à cette randonnée-là, j'ai rencontré deux. Tout de suite, j'ai rencontré deux jeunes bah, qui étaient aussi en tête et qui discutaient bien, mais eux étaient un peu plus âgés que moi. Donc, moi, j'avais ouais, j'avais 13, 14, je ne sais bien plus dire. Et eux, ils étaient plutôt fac, quoi, 17, 18 ans. 17, 18 ans, 18, 19, je ne saurais pas bien dire. Mais voilà, on avait quand même bien noué, on avait bien rigolé pendant cette randonnée, donc ça m'a donné envie d'y retourner. C'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que j'ai créé du lien avec beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont des amis très proches. Ok, donc alors après, comment t'as continué ton roller? Et ben j'ai continué à faire ces randonnées-là. J'ai rencontré donc du coup en compte goutte, bah, comme tout le monde, j'ai rencontré un petit peu des personnes à droite, à gauche. J'ai commencé à me rapprocher un petit peu de ce groupe d'adultes qui était très soudés au cœur de la randonnée. C'est-à-dire qu'il y avait la randonnée où il y avait, à l'époque, je ne sais pas, je vais dire un chiffre au hasard, entre 60, 70 personnes. Et puis il y avait bien entre 10 et 15 personnes qui étaient, voilà, c'était le noyau dur de la randonnée, on va dire. Mais du coup, je commençais un peu à tisser des liens avec ces personnes-là. Et je pratiquais le roller tous les vendredis soirs, du coup, pour aller faire cette randonnée. Et puis, de temps en temps, j'avais un parc qui n'était pas très loin de chez moi. Et puis, j'allais faire du roller. Et j'ai toujours eu cette envie de recopier, de savoir faire ce que les autres font en roller. Donc, je m'entraînais avec de très, très gros guillemets en autodidacte, du coup, dans ce parc-là, donc avec ma musique sur les oreilles et allons-y quoi. Ouais, alors tu t'entraînais à faire quoi? À faire du slalom, du freinage? Ouais, on va dire ça va être des pas de base, donc ça va être du slalom, mais j'avais pas les cônes, donc c'était vraiment recopier le mouvement, c'était savoir se retourner, je Oui. sais pas trop de saut en hauteur, quoi que ce soit, mais c'était vraiment du mouvement de patinage, on va dire. Basique quoi, c'est-à-dire, enfin je dis basique aujourd'hui, mais c'est pas forcément basique pour tout le monde, mais voilà, savoir se retourner, rouler en arrière, juste pour pouvoir se dire, aujourd'hui je sais, j'ai appris à rouler en arrière, ou aujourd'hui j'ai appris à mettre un pied devant l'autre, à rouler sur un pied pendant 1 mètre, puis 2, puis 5, puis 10, puis 15, puis 20, etc. Et c'était vraiment cette envie de vouloir apprendre à chaque fois, apprendre, apprendre, apprendre à faire du roller. Mais ça fait vraiment partie de mon caractère de manière générale, même dans la vie d'aujourd'hui, hein, surtout. Tout et n'importe quoi, j'adore apprendre, donc le roller n'y a pas fait exception. Ouais. Et alors attends, c'était en quelle année là qu'on se resitue un petit peu? Et ben 2000, ouais, 10, 11, quelque chose 2010, comme ça. ok, c'est juste Je pour. fais pas le calcul, c'est à vue, mais Oh oui, ça non, fait. mais juste pour voilà, y avoir une petite approximation pour. Ok, et alors donc vas-y, je te laisse continuer. Donc, après les hivers, la ville de Nancy proposait de rouler en intérieur dans un karting, en fait. C'est un karting qui était couvert tous les lundis soirs. Ce qui a fait que ce groupe de randonneurs du vendredi soir se retrouvait en hiver dans ce karting-là. Ce qui a du coup bah, m'a permis de continuer à faire du roller même en hiver. Assez peu les premières années. Mais assez vite, au deuxième été, où on faisait ces randonnées-là, donc j'avais fait 2-3 randonnées la première année, et puis ensuite j'avais fait 7-8 randonnées l'année suivante. On a continué à faire des randonnées, donc j'ai continué du coup bah, à tisser du lien avec ces personnes-là, et ensuite on est parti. Ça s'est fait vraiment un concours de circonstances où ils m'ont vraiment intégré à leur groupe sur un événement. C'était ce qu'ils appelaient à l'époque, la ville de Nancy organisait ce qui s'appelle le déboulé de la Bergamote. C'est grossièrement, c'était deux boucles de randonnée, une petite boucle pour les débutants et une grande boucle pour les confirmés. Et entre deux, on se retrouvait dans la pépinière de Nancy, où il y avait un village de fête qui était organisé par la ville de Nancy. Et ici, à ce moment-là, assez précis, en fait, je pourrais même presque dire la date, c'était en 2012, je crois. 2012. 2012, quelque chose comme ça, et c'était le samedi d'après, il y avait non, le dimanche d'après, il y avait les championnats de la World Inline Cup à Dijon, vraiment ce week-end-là. Et en fait, le groupe de randonneurs là que je parle depuis le début allait participer à cette World Inline Cup. OK. Et j'étais pas très au courant. Et puis en fait, ils m'ont intégré. On dit ah, Sylvain, viens là entre les deux boucles. Donc j'ai pas fait la deuxième boucle. Je suis resté avec eux. On a bien rigolé. Et puis on dit vraiment tout le temps sur le ton de la blague, en mode mais viens avec nous demain, tu vas voir, c'est sympa, c'est sympa. Mais sans trop y croire, parce que j'avais 14, 15 ans à l'époque, quoi. Et oui, on avait tous 25, 28, 30. Voilà, de se dire, bah, un gamin de 15 ans, tu l'emmènes pas comme ça, quoi. Je veux dire, c'est un mineur, faire attention et tout ça. Et puis, bon, je sais pas si c'est de l'insouciance ou pas. J'ai appelé mes parents, j'ai dit, est-ce que je peux aller, machin? Ils m'ont dit, bah, écoute, on vient dans cette pépinière et puis on en discute ensemble. Et en fait, mes parents ont rencontré ce groupe de patineurs-là. Et on a discuté un petit peu. On dit, mais écoute, il n'y a pas de souci. La seule chose que mon père a su me dire, c'est, t'es prêt à te lever à 5h du matin et à faire un sandwich en arrivant à la maison ce soir? Il était 22h. J'ai dit, bon, moi, il n'y a pas de souci. Et voilà. Bon, j'ai mis un réveil. Mon père m'a emmené au rendez-vous du covoiturage. On est parti. On a vu la World Inland Cup de 2012, je crois, si je ne dis pas de bêtises, à Dijon. C'est Yann Guyader qui a gagné. Et c'était la toute première fois de ma vie où cette fois-ci, donc là, c'est ma troisième image un peu importante au roller, de première fois, où je voyais la discipline du roller de vitesse. Et donc là, on parle bien de vitesse, on parle pas de descente. Voilà, alors oui. Est-ce que tu peux m'expliquer donc ce que c'est que cette rapidement la World Inline Cup? Ben, la World Inline Cup, c'était le circuit mondial de championnat du monde, si je dis pas de bêtises, de roller de vitesse, donc vraiment roller d'endurance. Donc c'est-à-dire, c'est des courses, il y avait des courses, on va dire, populaires de 20 km, 20-21 km, le semi-marathon, et puis le marathon qui comptait pour la World Inland Cup, la week, où là c'était où il y avait tous les élites, les personnes qui étaient, entre gros guillemets, payées pour faire du roller, les élites qui roulaient très très vite, très très fort. Et voilà, donc là c'est assez impressionnant parce que c'était sur l'ancien circuit de Dijon, entre les deux énormes ronds-points. Donc on voyait les patineurs passer très souvent, c'était des boucles qui étaient assez courtes, et on les voyait passer, bah voilà, comme les vitesses qu'on connaît aujourd'hui, à 40, 42, des pointes à 60 km/h sur du plat. Moi, c'était une image qui m'avait marqué, qui m'a dit, ah ouais, en fait, on peut faire ça en roller. Et là, Ah ouais, c'est. Non, mais c'est sûr que et c'est. Moi, j'invite tout le monde à regarder des images sur YouTube de patins de vitesse. C'est très, très ouais. impressionnant, hein. Ça sort complètement de l'image roller loisir qu'on peut avoir, en fait, finalement. Et c'est un peu toujours ce rebond de surprise en me disant, ah, on peut faire ça en roller, qui m'a fait avancer, parce que je suis pas tombé sur des vidéos, je me suis pas inspiré sur des tutos YouTube ou quoi que ce soit pour apprendre quoi que ce soit. C'est vraiment en voyant les gens faire, en me disant, ah, mais on peut faire ça. Ça ne m'était jamais passé par la tête de faire ce qu'on appelle une fente, c'est-à-dire tenir sur les extrémités de ses roues. Sur le pied droit, on met la roue arrière, le pied gauche, on met la roue avant, et puis voilà, et puis rouler juste sur ces deux roues-là. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ce genre de choses en roller, ça ne m'était pas passé par la tête. Tout comme je ne savais pas qu'on pouvait mettre les bras dans le dos, se baisser à fond, pousser loin sur le côté pour aller très très vite, très très longtemps. Et puis bah voilà, après j'ai dû quand ça m'a ouvert, entre guillemets, des horizons d'apprentissage sur le roller. Et là, bah voilà, donc j'ai vu ce roller marathon. Je me suis dit, mais c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et en fait, vous faites ça, parce que du coup, j'avais des copains que je voyais que à la randonnée, et là, je les ai vus dans le monde du roller, où ils ont enfilé leur combinaison, ils ont mis leurs patins, et puis ils ont commencé à rouler. Et ouais, c'est tout plein d'étoiles dans les yeux que je voyais, en mode, ah ouais, non, mais c'est un truc de malade. Puis après, bon, on berce un petit peu dans ces récits où ils nous racontent un peu leurs courses, tout ça. Donc voilà, c'est comme dans tous les mondes sportifs où c'est toujours fascinant d'entendre parler un sportif de sa discipline, son ressenti sur le moment, sur des actions X ou Y. Voilà, donc Ah, c'est il a ça. les yeux qui brillent quand il parle de. Enfin, c'est ça en fait. Moi, j'aime pas le foot, mais un passionné qui me parle de foot, c'est intéressant de l'écouter, quoi. Il Parfaitement raison. Alors Et donc, ouais. Alors, ça, c'est la vitesse. tu Pourquoi? t'es mis dans leur club après? Ben, il n'y avait pas de club, en fait, à Nancy. Enfin, il y avait un peu. Si, il y avait des clubs dans les. Vraiment dans les villes limitrophes de Nancy, qui s'entraînaient à Nancy. Mais non, non, parce que j'avais pas d'ambition sportive. J'ai jamais eu vraiment trop cet esprit de compétition, gagner, quoi que ce soit. Là, c'était vraiment pour le plaisir de patiner et pour rouler. Donc j'ai appris à rouler comme ça, parce qu'ils roulaient comme ça, et en les regardant faire. Et eux s'entraîner dans des clubs, se retrouver un peu en à côté des clubs pour faire leurs sorties, etc. Et puis voilà, moi j'étais plus là sur les moments de balade en ville ou quoi que ce soit. Donc, eux se retrouvaient aussi plusieurs fois par semaine en dehors de la randonnée pour rouler ensemble en ville, juste pour le plaisir de rouler et faire des boucles de 10, 15, 20 km en milieu urbain en partant. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment énormément, énormément roulé. Je crois que j'ai des souvenirs d'été entier de faire 5 fois, 6 fois ou même 7 fois par semaine, de partir à 18h30, 19h de chez moi, revenir à minuit. Et n'avoir fait que du roller avec ces gens-là en ville. Donc j'ai pas arrêté pendant plusieurs étés. Et donc forcément le niveau s'acquiert assez vite quand on a un volume de roller comme ça Effectivement, oui, important. c'est, moi c'est ce que je dis aux débutants, hein. Au début, il n'y a pas besoin de prendre de cours, faites du ce qu'on appelle du volume, faites du roller tout seul et ça viendra tout seul, quoi. Moi, je leur dis, faites-vous plaisir, apprenez juste à faire du roller. Apprenez à faire du roller avant de faire de la vitesse, avant de faire de la descente, avant de faire du hockey ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de secret, il y a un moment, il faut savoir rouler. Si on prend quelqu'un qui n'a jamais fait du roller et qu'on le met directement dans un bain spécifique vitesse ou quoi que ce soit, ça sera sûrement un très très bon patineur de vitesse, mais qui aura forcément beaucoup de lacunes sur beaucoup d'autres choses, notamment la prise de virage, la prise de quart, les retournements, tout ce qui va être un peu technique ou quoi que ce soit. C'est pas mal, mais c'est juste qu'il y a un moment, pour apprendre, c'est bien d'avoir un horizon très très large. Et moi, j'ai des grosses grosses lacunes, par exemple en hockey, ou genre de choses, où finalement je suis très mauvais parce que j'ai pas fait du tout assez ce genre de choses, notamment le slalom ou tout ça. Moi, c'est pas des ou même le skatepark, c'est pas des disciplines dont j'ai beaucoup pratiqué, donc forcément, je suis pas très très bon là-dedans, quoi. Et donc après ça, on continue à rouler. Il y avait deux ou trois personnes de ce monde-là de la descente qui faisaient du roller de descente. Pardon, excuse-moi, toutes de ces personnes du groupe de roller randonnée et des personnes qui faisaient de la descente à l'intérieur. Je ne savais pas du tout ce qu'était de la descente. Mais oui, mais en fait, tu vois, moi, je fais ce podcast Ouais. et je ne connais enfin quasiment aucune facette du roller puisque je fais en loisir et c'est vrai qu'il y a énormément de il y a le enfin il y a la descente, il y a le cross, enfin il y a plein de trucs, il y a le slalom et le skatepark, enfin comme tu dis, et on ne soupçonne pas toutes les différentes pratiques de roller qui peuvent exister. Ouais. Et d'ailleurs dans un club, alors toi t'as des clubs qui sont polyvalents, qui font tout. Enfin, qui font plusieurs choses. T'en as qui sont plus spécifiques. Et donc là, tu découvres un monde dans le monde, un groupe dans le groupe. C'est ça qui est marrant. Donc raconte-moi donc comment tu as découvert ce roller de descente. Je l'ai découvert en deux temps. La toute première fois, comme j'étais un peu féru de roller dans les premières années, donc 2011, 12, 13, 14, avec un peu cette euphorie de se dire que j'apprenais de plus en plus, que ça se passait bien, quoi que ce soit, je prenais mes rollers pour aller en vacances. En vacances, mes parents ont une maison en Bretagne. Et en fait, pour accéder à un grand parking qui mène à une plage, qui est un peu en contrebas d'une falaise, donc il y a des très grandes descentes qui mènent à ce parking-là. Moi, je faisais du roller pendant qu'un copain de vacances, lui, faisait du vélo. Et puis on s'est dit, vas-y, on irait bien à la plage. Mais pour aller à la plage, comment faut faire? Pas 36 000 solutions, quoi. Faut descendre la route. Il m'a dit, vas-y, pas chiche, on va en bas et genre, tu freines pas. Donc forcément, avec deux neurones ennemis, un taux de testostérone important à 15 ans en me disant hey, vas-y, je suis chaud. Je me suis jeté dans cette descente et j'ai pas freiné. Donc les patins sont partis, ça vibrait à fond, prenait une vitesse folle que j'avais jamais prise. Et après, heureusement, on savait que n'allait pas avoir besoin de freiner avec un frein tampon, de freiner en T ou ce genre de choses. Il y avait en fait, le parking, les deux voies descendaient de part et d'autre du parking qui était très très large, très très long. Donc de toute manière, on pouvait se laisser remonter dans la rampe du parking d'en face. D'accord. Donc il n'y avait pas de barrière, il y avait très peu de monde. Ça restait, je ne vais pas dire que c'était sécu, que c'était calculé. C'était pas du tout sécuritaire, c'était pas du tout calculé. Mais ça sans casque, sans rien. Enfin, c'est pas une bonne image qu'il faut donner, ça c'est sûr, quoi. Mais pour moi, ça s'est passé comme ça. Donc on descend, on parcourt toute la longueur du parking, une vitesse assez folle, et on se laisse remonter dans la pente du dessus. J'arrive en haut de la pente, tétanisé de peur par ce qui venait de se passer, à un taux d'adrénaline dans le sang fou furieux, à tel point où j'ai dû m'asseoir parce que j'arrivais pas à tenir sur mes jambes tremblaient. J'étais, ah ouais. Et je me souviens très clairement et très consciemment de m'être dit, à ce moment-là, à cet instant T, la décision que tu prends aujourd'hui va, la décision que tu prends aujourd'hui entre recommencer ou ne plus jamais faire ça, ce que je venais de vivre, va décider beaucoup de choses. Mais je ne savais pas quoi. Mais je me souviens très clairement de dire, si je décide de continuer, ça, c'est de refaire ce que je viens de faire, ça va être soit très dangereux, me mener voilà, à une grosse chute, quelque chose de très grave qui arrive de, parfois, de temps en temps, quand on n'est pas commun à ce monde-là. Ou alors, bah, je le refais plus jamais, et puis là, au moins, je suis peinard, quoi. Ouais. Donc forcément, j'ai crié un grand coup, on était mort de rire, on dit, vas-y, c'est quand qu'on recommence. Et ni une ni deux, on a remonté la pente à pied et puis on l'a fait 3, 4, 5 fois d'affilée le jour-là. Et en fait, bah, dès que je retournais en Bretagne, j'y allais là-haut. C'était vraiment uniquement pour le plaisir du shot d'adrénaline que tu prenais, un peu comme quelqu'un qui, entre gros guillemets, est drogué à ça, quoi. Ouais. Et c'est pas bien parce que c'est extrêmement dangereux. Mais voilà, comme je le dis, c'est passé comme ça pour moi. C'est comme ça que le goût de la vitesse m'est apparu. Et puis bon, voilà, en rentrant à Nancy, je commençais à me dire, bon, tu fais cette descente, c'est bien, c'est sympa, mais tu sais pas freiner et t'as peur parce que tu sais pas freiner. Donc comment est-ce qu'on fait pour freiner? Bah ouais, mais tu savais vraiment, ouais, non, tu, même pas le freinage denté, tu connaissais pas? Ah si si, non mais si, je faisais le freinage denté. Oui voilà, mais c'est... Ouais. Voilà, je faisais le freinage denté, mais il y a un moment, c'était plus possible. Ouais. Donc, à savoir, là je fais un petit bond en avant dans le temps, que cette descente aujourd'hui en la faisant, debout sans se mettre dans une position aérodynamique ou quoi que ce soit, on est facilement à 65-70 km/h. Ah ouais, quand même, ah oui. C'est pas la descente où on se dit, j'ai fait une descente de fou, et finalement on était à 35 km/h, qui sont déjà des très bonnes vitesses pour des personnes qui sont pas forcément initiées. Mm. Non, là, c'était la descente. Ouais. et donc, en fait, je me suis dit, bah, on va essayer de faire comme en ski, c'est-à-dire faire un chasse-neige. Et là, en fait, de moi-même, j'ai commencé un peu à triturer mon cerveau, à me dire, OK, il y a ce freinage-là qui existe, il y avait ce qu'on appelle le freinage en power slide, c'est-à-dire c'est très difficile à décrire à l'oral ce que c'est qu'un power slide, donc je laisserai aux personnes qui nous écoutent d'aller voir sur Internet. Ouais. Et le power slide qui existait, je commence à me renseigner, je vois qu'il y a le soul. Le soul, c'est comme le chasse-neige en ski. Mmh. Ou alors, il y a freiner bah, comme en ski, les deux pieds parallèles, en fait, et en glissant sur ses roues, en mettant ses roues en travers de la route. Mais ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratique. Bah, en fait, c'est le freinage en patinage sur glace. Oui, voilà. Oui, voilà, tout simplement. Patinage sur glace, en ski, peu importe comment on veut le voir, mais c'est celui-là. Mmh. Voilà. Et en fait, bah, j'étais assez à l'aise en faisant un soul ou quoi que ce soit. Et donc, en rentrant à Nancy, dans mon petit parc, là, pas loin de chez moi, j'avais cette idée en tête d'apprendre à faire ce freinage. Donc j'ai pas lâché cette idée, j'ai fait des heures et des heures et des heures de patinage dans ce petit parc pour apprendre à freiner en soul. Et puis donc je faisais du soul, je faisais du power slide, donc grossièrement je faisais du chasse-neige et du power slide. Et à un moment je me suis retrouvé entre les deux. Donc ça c'est ce qu'on appelle du magic. Donc le magic c'est le freinage, pas passer 1000 ans sur la question, mais c'est le freinage magic, c'est-à-dire c'est comme le freinage en ski en parallèle. Sauf que le pied intérieur, au lieu d'être le long du pied à l'extérieur, il est ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur le quart intérieur de chaque patin. On écarte entre guillemets un peu les jambes et on met une jambe devant l'autre, enfin comme une position sur un skate, quoi, grosso modo. Il y a une jambe à l'arrière, il y a une jambe à l'avant. C'est juste que bah, les rollers sont perpendiculaires au sens du déplacement. Voilà, donc j'ai appris à faire ça. Et je suis retourné à faire ces randonnées là. Alors ça t'as appris tout seul à les faire ou t'avais des conseils de personnes? Non, tout seul. Bah félicitations. Non, j'étais borné, hein, faut le dire. Je me suis borné à vouloir faire ça et en fait pour me faciliter la tâche, j'attendais qu'il pleuve. Oui. Et dans le parc, en fait, comme c'est un peu arboré, quand il avait plu, donc soit c'était tout mouillé, auquel cas ça glissait facilement, donc ça aide beaucoup à apprendre ce genre de freinage. Mmh. Soit il y avait des patchs de route qui étaient secs ou mouillés. Donc ça me permettait d'essayer un coup sur mouillé, un coup sur sec. Et à me dire, hey, comment on fait pour, voilà, pour arrêter d'être dans la facilité du mouillé et commencer à rentrer sur un sol sec. Et donc, comme je patine toujours en essayant de penser un peu à ce que je fais, en me disant, bah, je vais essayer de perfectionner un peu cette technique-là ou quoi que ce soit, je le faisais même dans les randonnées. Et un coup, j'ai mon cher ami Marie Marchand, Marie Père aujourd'hui, de nom de famille, qui elle faisait de la descente et m'a vu faire ce freinage en descente, en descendant dans la randonnée. Elle m'a dit, ça te dirait pas de venir faire de la descente? Et moi, tout plein d'innocent, je lui dis, c'est quoi la descente? Parce que forcément, je savais pas du tout ce que c'était, comme beaucoup de personnes, c'est normal. Elle m'a dit, bah voilà, la descente, il y a des événements qui sont organisés, tu te débrouilles pas trop mal, c'est sécurisé, ils ferment les virages, il y a des commissaires de course, il y a des remontées dans des camions, et puis voilà, ça te permet de pratiquer cette discipline de manière sécuritaire. Donc je me suis dit, bah allons-y, pourquoi pas? À l'époque, j'avais bah, pareil, 15 ans, fin de 15 ans, début 16, quelque chose comme ça. Et elle dit, allons-y, pourquoi pas? Et elle m'a emmené en Belgique, du coup, 2 ou 3 semaines après. Elle m'a emmené en Belgique sur un spot qui était pas très pentu. Finalement, bah, j'allais vachement moins vite qu'en Bretagne, donc j'étais pas du tout perdu quand j'y suis allé. Bon, il a fallu l'annoncer à mes parents entre-temps. On se dire, Ah, ouais. en fait, il faut signer une décharge parce que du coup, c'est un événement à risque et donc, comme il est mineur, il faut faire attention, etc. Et alors, quand t'étais en randonnée ou de manière générale, est-ce que tu mettais des protections pour faire du roller? Les mœurs ont changé entre-temps. Oui, non, pardon, excusez-moi. J'en Non. mettais pas jusqu'à ce D'accord. que. J'en Ah, tu mettais pas mets. jusqu'à ce que. Donc tout Ouais. ce temps-là, je vous parle, j'en mettais pas. C'est-à-dire que j'avais un casque bol, mais je le mettais pas. J'avais pas de gants, j'avais pas de genouillère, j'avais pas de tout ça. Donc oui, quand je tombais, je me faisais mal aux genoux, je me faisais mal aux mains. Je me suis fait les poignets quand j'étais tout petit, débutant en roller. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai une prise de conscience un coup sur une randonnée où j'ai une chute qui a failli très mal tourner. Il y a une chaîne que j'avais pas vue qui m'a fauché les jambes. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle m'a fauché pendant que j'étais en train de faire un mouvement en train de me retourner. Donc je suis pas parti la tête la première, je suis parti en arrière, j'ai pu mettre les bras pour amortir et la tête n'a pas tapé. Et là, ce jour-là, je suis rentré chez moi, je dis je vais commencer à mettre un casque. Donc depuis ce jour-là, ça fait bah aujourd'hui ouais, ça doit faire 7 ou 8 ans que je mets toujours un casque quand je fais du roller. C'est très rare qu'on n'en mette pas. Et voilà. Après, pour ce qui est des gants, pendant un temps je portais des gants plutôt typés moto, plus que de la protection poignet. Et genouillère, j'ai jamais vraiment mis à part pour faire de la descente. Par contre, D'accord. bien sûr, bah, quand je parle de la Belgique, là juste avant, où il a fallu partir en descente, là c'est casque intégral obligatoire. Ça va être dorsale obligatoire par l'événement. Les genoux, les coudes, les mains, des vêtements bien rembourrés, des jeans, on mettait même du cône de chantier qu'on découpait pour se mettre sur les fesses pour pouvoir glisser dessus, qu'on Ah oui. collait sur les vêtements avec de la colle de néoprène. Ah ouais, mais après, il faut se protéger, je veux dire, quand on Ben est dans bien ces... sûr, oui. Mais alors, je pense que quand on en fait régulièrement, on a assez tout son truc. Mais tu te dis pas, enfin, il n'y a pas de comment s'appelle de enfin, chacun se débrouille avec ce qu'il veut. Tu vas sûrement prendre des vêtements de moto, je suppose, ou autre. Mais t'as rien qui existe vraiment. Il n'y a pas d'impératif légal à porter telle ou telle protection en ville sur un usage quotidien normal. Après, il y a des impératifs quand on va sur des événements qui sont organisés. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, quand tu vas dans ton magasin de roller, tu dis je veux des protections de descente, est-ce que ça se fait ou pas? Bah, j'ai travaillé dans un magasin de descente, donc je peux répondre à la Eh question. ben Ça oui. se fait comment dire, vraiment particulier au compte-goutte, puisque on parle vraiment d'une discipline très peu connue, une discipline très peu médiatisée aussi, et donc auquel cas il y a très peu de demandes. Après, il y a beaucoup plus de demandes pour du longboard en descente parce que c'est beaucoup plus médiatisé sur les réseaux, sur YouTube, etc. Donc le longboard, c'est un grand skate, hein, ni plus ni moins, et ils font la même chose que nous, c'est-à-dire ils dévalent des pentes, ils freinent de manière assez spectaculaire. On va dire que dans le skate, il est assez bien rentré dans les mœurs que quand on est sur des événements, on va dire, organisés, généralement, ça va être le cuir est obligatoire. couleur de cuir va être obligatoire en compétition. Va pas l'être sur ce qu'on appelle des freerides. Donc les freerides, c'est des journées d'entraînement organisées. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de course en tant que telle. Et sinon, on va dire qu'on peut trouver, il y en a des fournisseurs qui fournissent des casques intégraux, par exemple. La dorsale, on va dériver de la dorsale de moto, de la dorsale d'équitation. Ça fera le même job en soi. À un moment, c'est grillagé, ça protège le dos, ça marche très bien. Ça a c'est étudié pour de la moto, donc pourquoi pas du roller. Il y a des personnes qui descendent avec des cuirs de moto, il y a plein de profils différents. Ça reste un sport qui est, faut le rappeler quand même, assez émergent, bien que c'est un sport qui a aujourd'hui, il est né dans les années, on va dire 70-80, quoi. Qu'il a été à peu près né dans ces années-là, les tout premiers descendeurs à Lausanne, en point de vue historique. Là, je vois large comme fourchette, mais ça reste très très jeune. Déjà que le roller, de manière générale, le roller fédéral, et notamment en France, est très très jeune, la descente l'est encore plus. Donc on est encore en train d'apprendre là-dessus, on est encore en train d'instaurer des codes. C'était pas quelque chose qui est fixe. Aujourd'hui, on n'a pas de règles fixes concernant la protection en roller sur la descente. On a des impératifs pour tout le monde, que ce soit les gants, les genoux, les coudes, la dorsale et le casque intégral. Mais au-delà de ça, on fait un peu ce qu'on veut. Alors donc tu vas faire ta première course en Belgique et où est-ce que tu trouves l'équipement en 2 semaines? Me le prête. Ouais, On me le d'accord. prête, on me le prête, je me le confectionne. Voilà, c'est quelque chose, c'est assez, entre guillemets, c'était assez facile. Il y a juste le casque qu'il a fallu faire attention. Où là, du coup, j'ai Marie qui avait un peu de matériel, justement, m'a trouvé un casque qui m'allait bien un peu avant de partir. Donc, on a essayé ça chez elle avant d'y aller. Et puis voilà, quoi, allons-y. Alors donc vas-y, qu'est-ce qui s'est passé donc sur cette première compète? En Belgique, j'ai eu mes premières sensations en descente. La première demi-journée s'est bien passée. La deuxième demi-journée s'est encore mieux passée, mais il a plu. Donc il n'y avait plus personne qui roulait à part 3-4 personnes. Et je faisais partie de ces 3-4 personnes qui m'amusaient comme un fou sous la pluie. parce que du coup, comme j'avais beaucoup, beaucoup roulé dans ce parc-là, justement, en train de m'entraîner sur le mouillé essentiellement, c'était quelque chose qui me correspondait bien. La vitesse, finalement, ne m'a pas très impressionné parce que je prenais beaucoup plus de vitesse quand j'étais en Bretagne, en ligne droite. Donc, ça m'a débloqué un petit peu. Mais c'était un profil de course où, finalement, les vitesses maximales étaient plutôt aux alentours des 40 km/h. Qui sont des vitesses qui sont. Quand on dit qu'il y a des personnes sur le plat pendant 40 km qui roulent en moyenne à 40 km/h, ce n'est pas des vitesses extrêmement faramineuses pour le coup. Là où j'ai eu mes premières vraies sensations de descente sur sec, engagée, où je me suis fait vraiment peur et un peu mal, ça a été justement le premier. Dans la même année, à peine quelques semaines d'après, il y avait le premier championnat de France qui était organisé dans la ville de Village de Confort, dans l'Ain. Donc c'était du col de montagne. En termes de typologie de route, col de montagne. Donc là, quand on y est allé, il a fallu me trouver un peu plus de roues parce que du coup, on descendait à l'époque avec encore aujourd'hui, mais beaucoup moins, avec des rollers, des vieux rollers montés avec des platines 5 roues. Platine, c'est ce qui tient les roues. Donc c'était 5 roues de 84 mm de diamètre. Donc il a fallu trouver un jeu de roues avec une bonne qualité de gomme quand même. Et donc voilà, elle m'a trouvé un jeu de roue, on est allé là-haut. Et puis là, j'ai eu mes premières sensations de vitesse où je me suis retrouvé réellement dans la situation. Tu es obligé de savoir freiner maintenant. Tu n'as plus de la pente pour te remonter si jamais ça ne va pas. Tu dois freiner et tourner en descente. Et là, ouais, la première fois, déjà, quand on monte dans le camion, qui nous remonte en haut de la piste et qu'on du coup, on fait toute la piste à l'inverse. Que le camion, il a du mal à nous remonter, on est à une quarantaine dans le camion, enfin, c'est quand même des sensations, quoi. Ça fait, c'est des 20 mètres cubes avec haillons, on était assis sur le haillon, limite en train de tomber parce que le camion monte une grosse, grosse pente. Alors voilà, c'était quand même plutôt sympa. Et puis, quand il a fallu s'y jeter, il a fallu s'y jeter, donc bien sûr, avec toutes les précautions. J'ai eu la chance vraiment d'être encadré par Marie. Et je remercie encore et toujours à chaque fois qu'on pose la question, parce que c'est elle qui m'a vraiment appris à me gérer quand j'étais en descente. C'est-à-dire de pas aller tout de suite à la limite, de pas tout de suite aller me chercher de la vitesse, des sensations ou quoi. Mais surtout jouer la sécurité jusqu'à ce qu'on connaisse le circuit. Et quand on connaît le circuit, là, on peut y aller. Et Mais voilà, donc c'est ma Marie, vraiment. c'est quoi son métier, son rôle, enfin Elle bosse au CHU de Nancy. Elle est justement elle est psychologue, elle s'occupe des personnes des personnes qui ont du cancer dans les phases terminales de cancer. Donc elle, ça c'est son métier. Ouais, d'accord, mais alors pourquoi est-ce qu'elle fait du roller? Est-ce qu'elle Et fait du roller elle-même elle a fait d'ailleurs? du roller depuis des années et des années avant ça en fait. Et elle faisait de la descente et elle faisait partie des rares descendeuses féminines qui avaient. Bah, du coup, elle a eu un palmarès aussi. Hein. Elle était vice-championne du monde de descente quand elle allait faire des descentes. Et donc voilà, elle était assez commune de ce monde-là. Donc c'est pour ça qu'elle connaissait vraiment les risques et elle savait que voilà, c'était pas quand on a un adolescent de 15-16 ans qui. Voilà, on lui dit qu'il sait bien faire du roller, quoi que ce soit, il va vouloir y aller, quoi. Et c'est elle qui m'a dit, mollo, mollo, mon grand, faut déjà que tu apprennes avant d'y aller. Et voilà, et puis ça a plutôt pas trop mal marché. Alors, à partir de quand tu dis ouais, ok, ça me plaît, je vais essayer de progresser et voilà Là, quoi, ouais. j'ai une image assez claire. En fait, donc il a eu ce premier championnat de France au Confortable, où là, j'ai eu mes premières sensations de descente. Ok, là, ça a commencé à faire. Ensuite, il y a eu mon premier championnat du monde à Lyon. Du coup, ça, c'était en 2013, si je dis pas de bêtises. Donc, tout s'est enchaîné quand même assez vite, hein, entre le début de la pratique et première descente, première compétition. Il faut savoir que la descente, un championnat du monde, c'est ouvert à tous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de phase qualificative, il n'y a pas de tournoi européen, ce genre de choses. Ouais. On est tout de suite dans le grand bain parce qu'il y a très peu de compétition. Donc Et faut il n'y a pas. pas non plus de limite d'âge, parce que t'étais encore mineur. Ouais, j'étais encore mineur. Il n'y a pas de limite d'âge s'il y a une dérogation. Faut avoir 16 ans. D'accord. Faut avoir 16 ans. Après, on peut avoir des plus jeunes. Hein. Moi, j'ai déjà vu des pios de même pas 10 ans être sur des luges. Bon, pas du roller. J'ai dit, pourquoi que si, j'ai vu un roller de 10 ans en descente, ça existe. Ok. Il descendait avec son père, il était très très bon, il est encore plus aujourd'hui. Et voilà, donc ça existe, ce genre de profil-là. Après, donc là, j'ai un souvenir assez juste. Donc je fais ce premier championnat du monde à Lyon. Donc là, ça a été grosse révélation. J'ai rencontré voilà, les premiers top riders de l'époque, ou très impressionné de leur niveau. Je fais plutôt un bon résultat, je fais 13e. Je fais 13e à ce championnat du monde, donc assez content sur 80 participants, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc c'est vrai que c'est quand même Donc, plutôt pas mal. très honnête. Je Ouais. m'attendais pas du tout à ça, et finalement, bah, comme je regardais pas trop le classement, parce que vraiment, dès la première compétition, on va dire que donc Marie m'a inculqué que pendant faire un bon chrono, c'est faire une course où on ne tombe pas. Un bon chrono, donc je fais une rapide parenthèse sur les formats de course en descente parce que sinon on va perdre tout le monde. Oui. La descente, on a la discipline qui est scindée en deux compétitions au sein de la discipline. On va avoir la compétition au contre-la-montre, donc le chronomètre, qui va déterminer une liste de personnes qui vont pouvoir participer. Donc généralement, les 16 à 32 premiers chronomètres vont pouvoir participer au border. Et border, ça va être justement les courses à 4. Donc c'est course à 4, les deux premiers montent dans la poule du dessus jusqu'à la finale, avec une finale de consolation pour les 5, 6, 7 et 8e patineurs. Donc on va avoir deux compétitions. On va dire que historiquement en roller, la compétition reine à remporter, c'est le chronomètre. Voilà. D'accord. Mais et en longboard, ça va être plutôt l'inverse. Longboard, on va plutôt être sur des compétitions qui mettent le mérite sur les courses à 4, les borders. Je vais pas Et m'expliquer ça va être le pourquoi. même parcours en fait, le chrono et le... C'est ça. Quand on arrive sur un événement, généralement, c'est 2 à 3 jours d'événement. Le premier jour est dédié à la reconnaissance du circuit. Donc, c'est comme un événement classique. Donc, on descend, on se fait remonter, on descend, on se fait remonter. Du coup, voilà, on étudie un peu le tracé. Ensuite, le lendemain, on va avoir les chronomètres. Donc, les chronomètres, on va avoir quelques descentes pour pouvoir se remettre le circuit dans les jambes. Et puis ensuite, tout le monde va passer un à un, faire ses premiers chronomètres de qualification, deuxième chronomètre de qualification. Et ensuite, ils font remettre les compteurs à zéro, ils prennent les 40 premiers, ils éliminent les 40 d'après, parce que sinon, on ne pourra pas faire passer tout le monde trois fois. Ouais. Et les 40 premiers chronos des qualifications peuvent faire un nouveau chrono qui est remis à zéro de chrono de championnat du monde. Donc là, c'est un one shot, il faut aller le plus vite possible. Une fois qu'on a la liste de ce chronomètre qui a été fait, le lendemain, bah, rebelote, on a re 2-3 descentes de reconnaissance, et puis là, on part pour les 16e, les 8e, les quarts, les demi-finales, etc., etc. Donc on a de moins en moins de participants, ça va de plus en plus vite. Et là, c'est des courses, bah, justement, il bah, faut se batailler pour être dans les deux premiers à chaque fois, jusqu'à la poule finale, et à la poule finale, il faut être premier. D'accord. Et donc autant le chrono, donc tu te gères tout seul, Oui. autant comment Autant le c'est? border, il n'y a pas le choix, c'est l'expérience. Il faut connaître les gens avec qui on patine, voilà, avoir une lecture de course aussi, je ne veux même pas dire qu'il faut avoir un plan parce que ça ne se passe jamais comme on pense que ça va se passer. Donc il faut y aller et après là, c'est purement de l'expérience. Il faut en faire beaucoup. Moi j'en ai fait beaucoup avant de commencer un peu à passer les premières phases, avant de vraiment être qualifié dans les premiers. Voilà, rien que passer le premier border, c'est déjà quelque chose. Ouais. Il y en a qui le font très bien, qui ont plus de feeling là-dessus. Moi, j'en ai un peu moins. Après, voilà, ça m'a pris du temps. C'est normal. Donc on fait ce championnat du monde là à Lyon. Donc, je fais 13e et puis je me fais complètement éliminer au border, donc à course à 4, ce qui est normal. Et en fait, dans la saison, je participe à un autre freeride. Freeride, c'est des événements organisés par des associations en France. Donc là, dans le village de Marchaux, à côté de Besançon, la ville de Marchaux, pardon, excusez-moi, sur une piste. Et là, je rencontre un Suisse qui avait fait deuxième championnat du monde à Lyon l'été d'avant. Et donc là, c'est en 2014, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, je descends avec lui. Il avait ramené une platine avec 7 roues. Cette roue? Ouais. Mais Et. c'est ça, c'était lui qui l'avait fabriqué, c'est pas Bah, possible. en fait, il avait pris des rails en aluminium qu'il a percé lui-même et qu'il a mis ses roues dessus, quoi. Donc, il a fait son montage là-dessus. Et en fait, j'étais complètement fasciné. Mais attends, déjà 5 roues, ok. 6 roues, j'avais déjà vu, c'est déjà impressionnant. Mais 7 roues, ça m'avait un peu perturbé. Je dis, est-ce que je peux descendre avec toi et voir à quoi ça donne, quoi. Donc, je descends avec lui. Le mec. Arrivé à la moitié du tracé, j'ai du mal à le suivre. Je me dis, bah vas-y, avant le dernier virage, je freine vachement tard et puis je le rattrape à ce moment-là parce que sinon le mec va me larguer quoi avec ses trous. Je dis, mais pas maniable au possible, sachant qu'il freinait, bah, comme en hockey sur glace, il freinait en parallèle avec ses trous. Donc hyper impressionnant à voir. Je le rattrape et dans le chousse, je me mets derrière lui. En position aérodynamique, je me mets derrière lui, le mec, il se retourne, il me regarde, il me fait un pouce en me disant, ouais, c'est super ce que tu fais, vas-y, viens, on y va ensemble, on va le chousse, on y va ensemble. On fait le chousse ensemble, on prend une grosse vitesse, quasi 80 km/h en bas du chousse, on s'arrête, on arrive en bas, je dis, mais ah, c'est impressionnant, mais je t'ai déjà vu quelque part, où est-ce que je t'ai vu? Il me dit, bah, à Lyon, j'étais vice-champion du monde. Je fais, ah d'accord. Puis on me dit, mais toi par contre, continue, parce que des jeunes comme ça qui arrivent à accrocher le train, freiner en une seule fois, quoi que ce soit, bah, il n'y en a plus beaucoup. Donc continue et fais-y. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, ok, il y a peut-être un truc à jouer en descente. Je fais 13e. Ensuite, on me dit que ça va, je roule bien. Feu, quoi. Faut que j'essaye de faire. Donc là, j'ai resserré la vis, comme pour apprendre à faire des freinages. Et j'ai commencé à continuer à faire des freinages et en fait à descendre avec beaucoup beaucoup d'envie, sans me dire que j'allais faire des podiums ou quoi que ce soit, mais pour le plaisir personnel. Un peu D'accord. avoir justement cette reconnaissance de mes pairs, entre gros guillemets, me dire voilà, d'être un peu le petit nouveau qui arrive et qui débarque. Donc ce jour-là, je me suis dit ouais, on va faire la descente, quoi. Ouais, alors attends, avant de continuer, moi c'est le côté technique qui va m'intéresser. J'espère que ça intéressera les auditeurs. C'est quoi l'avantage d'avoir beaucoup de roues en descendant? Est-ce qu'il faut que les roues soient dures, molles? C'est quoi les difficultés pour freiner avec des roues? Enfin, est-ce que tu peux me parler du roller de descente? À quoi il doit ressembler pour être parfait? Bon, allez, c'est là où je me fais des amis dans le monde du roller. Je rigole. Je rigole parce que c'est quelque chose qui change beaucoup, notamment ces derniers temps, parce que il y a plusieurs choses à regarder quand on fait de la, quand on fait de la descente. On va avoir le nombre de roues, qui est une chose, mais on va surtout avoir la taille des roues, qui va impacter justement l'inertie de la roue. Hein. Plus la roue est grande et plus on va emmagasiner de l'inertie. Ça, on ne l'apprend pas, c'est physique, c'est comme ça. Ouais, mais par contre, ça va être plus dur à relancer. Après, Voilà, c'est ça. Et on va avoir la longueur de la platine. oui. La platine, je rappelle, c'est ce qui tient les roues, la longueur de la platine. Du coup, c'est plus la platine va être longue, c'est comme des skis. On va avoir des mini-skis qui vont être très maniables en haut des pistes. Très facile en haut des pistes. Par contre, dès qu'on arrive sur des pistes qui sont un peu longues, un peu plates et qu'on prend beaucoup de vitesse, on va avoir du mal à les contrôler. Alors que des grandes spatules, on va un peu plus galérer quand on sort du téléski. Et puis, quand on va être dans des grandes vitesses, ça va être assez stable. Parce que justement, on a beaucoup plus d'appui devant, beaucoup plus d'appui derrière. Et finalement, tous les déséquilibres avant et arrière sont vachement bien compensés. Et donc, le nombre de roues, en fait, finalement, je vais presque dire qu'on s'en fiche. Parce que ce qui va être important, ça va être vraiment cette longueur de platine. Après, la taille des roues va impacter sur la vitesse de pointe, dans une chose, parce que plus la roue va être grande et plus on va nous laisser le temps de rouler longtemps et faire prendre de la vitesse à la roue, mieux ce sera, plus vite on ira. Par contre, il faut avoir une platine qui soit assez longue, avec des roues assez grandes. Donc en fait, aujourd'hui, on a des standards qui varient vachement. On va dire que On va plutôt se référer à la typologie du circuit pour adapter ses roues au circuit. Mais je dis ça, mais il y a encore assez peu de personnes qui le font. On va dire qu'à Barcelone, en 2019, en fait, avant ça, je roulais avec une platine assez longue, avec 5 roues, donc 5 petites roues. Donc j'avais beaucoup de stabilité. Je perdais un petit peu à la relance en sortie de virage parce que j'avais une platine qui était très longue. Donc forcément, ça demande, comme tu le dis, à lancer la platine pour prendre de la vitesse. Et j'avais une vitesse de pointe qui était bonne parce que ma position allait bien, mais qui était physiquement pas très bonne parce que mes roues étaient petites. Ah oui. J'espère que je ne vais approcher personne. Non, non, oui, on voit bien. En fait, oui, ta position n'était pas en adéquation avec tes rollers, quoi. disons qu'on pouvait optimiser, quoi. On pouvait optimiser. Dans l'idée, je me suis dit, ça peut être sympa d'avoir des roues plus grandes et de rétrécir un petit peu la platine. Donc partant de là. Des roues plus grandes, soit on va avoir des standards de roues en descente, ça va être du 80 mm de diamètre, 84 mm de diamètre, 90 mm de diamètre. Ensuite, on va avoir du 100 mm, du 110 mm et du 125 mm. Donc, comme j'avais envie de voir petit, je me suis dit, je vais prendre les plus grandes roues avec la platine la plus longue possible avec ces roues-là. Donc, c'était 3 fois 125 à Barcelone. Et je me suis dit, on dit tous que c'est compliqué de rouler en 125, surtout en descente. Et je me suis dit, on va essayer. Donc j'ai demandé quand je travaillais encore au CDK, j'ai demandé justement à ce qu'on me prête une platine en 125 et que je l'emmène en descente et que je vois de moi-même ce que ça donne. Alors, donc t'as pris un 3 x 125 et juste avant t'étais sur quoi? Ou t'avais peut-être fait Avant, beaucoup? j'étais en 5 x 84 niveau de D'accord. la taille des roues, sauf que ma platine pouvait accueillir des roues de 90. Ah oui, elle pouvait faire du 5 x 90. Voilà, 5 fois Ok. 90, monté avec des roues de 84. Ok. Donc, c'était mon montage d'avant. Et je me suis dit, vas-y, on va essayer de rentrer dans cette réflexion. Des roues plus grandes, des platines plus courtes. Ah, je vais être un peu plus haut sur les rollers, on verra bien ce que ça donne en descente. Et donc, je les ai emmenés à Marchaux, ce même spot qu'en 2013 ou 14, je ne sais plus. Et on va voir ce que ça donne. Donc, ça, j'ai fait ça en 2018. 2018, non, 2019. Et en fait, ça a été grosse révélation pour moi parce que mes techniques de freinage, finalement, ça allait. J'arrivais encore à freiner comme ce que je freinais avec mes petites roues. Ça accroche très bien en virage parce que les roues sont de super bonne qualité. C'était la marque MPC X-Firm, des roues avec deux densités à l'intérieur. Donc une densité plus dure à l'extérieur, une densité plus molle à l'intérieur de la roue. Permet à la roue de se déformer vachement bien pour accrocher le sol. Donc là, on rentre dans du technique assez Ouais. dur. Donc la bonne qualité de la roue me donnait quand même un bon avantage dans l'accroche en virage. Je perdais un petit peu sur mes freinages, donc je freinais un petit peu moins fort. Mais par contre, j'arrivais à ressortir du virage avec beaucoup plus de vitesse, à aller beaucoup plus vite dans mes lignes droites. Parce que bah, du coup, là, pour le coup, la position de descente était bonne. Et en plus de ça, j'avais des roues qui me permettaient d'aller encore plus vite. Après, le 125, c'est plus compliqué bah, quand on est sous les 30 km/h, quoi. 30, en dessous de 30 km/h, c'est délicat. Sauf qu'en descente, on n'est jamais vraiment en dessous de Bah 30 km/h. c'est ça, oui, de toute façon, tu restes pas longtemps sous les 30 km/h, quoi. Voilà, et ça a été un petit peu ma logique pour amener à utiliser ce montage-là. Et en fait, en 2019, au Roller Game à Barcelone, on était trois ou quatre. Il n'y avait que des purs patineurs de vitesse qui roulaient avec ça. Et puis, il y avait moi qui faisais vraiment purement descente, qui avait amené ce montage-là. Et après, deux, trois autres personnes qui roulaient avec, enfin, plusieurs autres personnes qui roulaient avec des 4x110. Donc, un montage un peu plus intermédiaire. Donc, la même longueur de platine que moi, mais avec des roues un peu plus petites pour pouvoir être un peu plus bas, un peu plus stable sur ces rollers quand on prenait de la vitesse. Donc, c'est des montages qui aujourd'hui sont presque communs dans le monde de la descente. Mais historiquement parlant, les descendeurs descendent en 5x90 ou 5x84. Donc on a D'accord. l'histoire d'un côté et puis on a un peu là les innovations des 3-4 dernières années qui Mais commencent à et c'est ça que je trouve, que je trouve génial, c'est comme tu dis, c'est un sport très jeune. Et c'est voilà que ça continue de enfin Il y a quoi? il y a des modes quoi qui En se fait, font. ouais. Moi, là, ça fait 3-4 ans là, que je me dis que c'est un sport, en fait, il y a tout à faire. Ouais. Sincèrement, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de. Il n'y a même plus, entre guillemets, les hyper champions de l'époque, qui aujourd'hui continueraient à être hyper, hyper bons, quoi, et sûrement bien meilleurs que moi. Mais il n'y a plus ces hyper champions-là. C'est une discipline qui a perdu beaucoup d'amplitude en termes de volume d'événements, quoi que ce soit. Mais qui récupère beaucoup du monde du skate, et un monde à l'autre, finalement, ça apporte des idées aux uns et aux autres. Et en fait, bah, ça évolue pas mal, quoi. Ça évolue vraiment pas mal et c'est sympa de voir un peu tous les échanges qu'on a en haut des pistes sur ah ouais, mais toi t'as fait comme ça, mais tu te sens plus mieux comme ça ou comme ça, et moi j'arrive pas du tout à rouler avec ce que t'as au pied, mais moi je roule plutôt avec ça, tu devrais essayer ça. Et en fait, c'est des échanges, on n'est pas dans un truc qui est hyper normalisé comme on va avoir des domaines. Je vais pas parler à leur place parce que je suis pas patineur de très haut niveau en vitesse. Mais on va dire qu'en vitesse, pendant un temps, c'était plutôt tout le monde roulait plus ou moins avec la même chose. Et puis, faisait les vraies innovations, c'était les fournisseurs qui fournissaient de nouvelles roues plus performantes. Et donc, tout le monde prenait ces nouvelles roues plus performantes, vendait les anciennes, et suivait un petit peu la mode de fournisseurs, mais ne la créait pas eux-mêmes, en fait. Et moi, ce que je trouve plutôt sympa, après, c'est sûrement plus le cas aujourd'hui. J'ai un peu décroché tout ça, donc je vais pas m'aventurer de ce côté-là. Mais là, aujourd'hui, en descente, on est vraiment plein dedans, quoi. En descente, il y a tout à faire. On peut très bien avoir quelqu'un qui va arriver avec. On a eu des montages là il y a 2 ans. C'était 2x125 et 2x100, je crois. Ah C'était oui. deux grandes roues de part et d'autre et deux petites roues en dessous du pied pour avoir le patin bas, les longueurs de platine assez hautes et des roues le plus grand possible pour la vitesse. Bon, Ouais. il faut que c'était très très lourd et donc du coup pas très efficace. Mais. Et t'es limité en taille de roue ou tu peux prendre des roues trottinettes de beaucoup plus grandes que 125? En fait, je vais dire oui, mais non. On est limité dans l'idée où on a de toute manière une règle qui nous impose d'avoir pas plus long de 50 cm de bord de roue à bord de roue D'accord. en termes de longueur De de platine. vitrain roue. Ouais, ok. Là-bas, après, on fait ce qu'on veut. Mais concrètement, ce qui va faire la différence, et aujourd'hui, on a des très très très très bonnes roues par rapport à il y a quelques années. Ça va être vraiment la qualité des roues, la qualité de la gomme qui va vraiment énormément changer. C'est-à-dire qu'on a des roues, mais il y a encore 5 ans, les roues n'étaient pas aussi bonnes qu'aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, ils sont capables de nous faire des roues en bidensité qui sont valables pour faire de la vitesse, pour rouler presque sous la pluie, pour faire des dérapages avec. La gomme se comporte bien en dérapage, ne décroche pas. Enfin, c'est un truc de fou comment ça a avancé là en quelques années au niveau des roues. Et c'est hyper intéressant de voir ça de ce côté. Et alors co comment ça, c'est encore autre chose, là, je vais un peu loin. Elle vient d'où cette innovation? C'est des patineurs ou c'est les équipementiers qui ont fait l'effort tout seul? Les innovations de roues? De roues, oui. C'est là pour le coup, je pense que ça vient d'un échange entre les fournisseurs et les patineurs de vitesse de très haut niveau. Les D'accord. patineurs de vitesse de très haut niveau qui sont Ouais. en échange avec ces fournisseurs de roues et qui cherchent à améliorer leur roulage. Et nous, en fait, on récupère un peu les miettes de ce monde-là. Il faut savoir que les cinq roues à l'époque, c'était pas fait pour de la descente, hein. Ça a été construit pour faire de la vitesse. Ah oui. Voilà. Donc, pour faire des marathons, des semi-marathons, je le rappelle. Oui, parce que autant le comment s'appelle le patinage de vitesse, il y a des sponsors, tout ça, je pense que ça y a de l'argent dedans. Mais patinage de descente, est-ce que ça brasse beaucoup d'argent ou c'est vraiment Non, ça brasse pas tant d'argent que ça. Il y Ouais. a, notamment une marque qui s'investit énormément dans ce monde-là, c'est FR Skate, qui, en fait, au-delà d'être une marque, c'est surtout, donc c'est des gens qui sont basés à Paris, c'est des copains, coucou, Ouais. mais c'est eux qui ont, notamment par l'initiative de Sébastien Lafarge et Greg Pinto pour les citer. Sébastien Lafarge, lui, a un ancien slalomeur et descendeur de très très haut niveau. C'est lui qui a écrit quasiment tous les livres de règles. Enfin, je veux pas te dire de bêtises, mais il a eu un très très fort impact dans le monde du slalom, dans le monde du skate cross aussi. Et c'est des gens qui sont extrêmement investis dans leur discipline parce qu'ils aiment ça. Et pour le coup, c'est eux qui ont fait bouger les lignes, c'est eux qui ont porté le projet, c'est eux qui ont porté tout ça. Et là, ils sont en train eux aussi de s'investir pour le monde de la vitesse et tout ça, et ils bougent énormément. Après, de là à dire qu'il y a de l'argent, non, pas pour des patineurs. Aujourd'hui, il n'y a pas de patineurs qui vivent pleinement de leur discipline. Alors peut-être un ou deux hyper patineurs ou des personnes qui vivent parce qu'ils ont une médiatisation autour d'eux, mais en tant que tel, on ne vit pas du roller en France, du moins. Il y a des Colombiens qui arrivent à vivre du roller parce que leur sport est quasi reconnu nationalement. Enfin voilà, c'est comme le rugby en France, mais c'est en France, on n'y est pas du tout et pas encore. Et les marques ne sont pas investies au point de payer salarié un patineur dans leur discipline, que ce soit du hockey, du vol de la vitesse, de la descente, quoi que ce soit. On ne gagne pas d'argent. Moi, je n'ai jamais gagné. Enfin, j'ai gagné. Un cash prize au Roller Game à Barcelone, mais parce que c'était l'institution Roller Game, pas parce que c'était un championnat du Ouais. monde. Et c'est pas des cash prize de footballeur. Hein. En transparence, c'était dans les 900 euros pour deux médailles. Hein. Pour une médaille Oui. champion du monde et une médaille de vice-champion du monde. Oui, ça couvre même pas les frais de déplacement, quoi. Non, mais c'est déjà très bien, il faut pas cracher dans la soupe. Je dis pas parce qu'ils l'ont fait. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Mais tout ça pour dire, voilà, la morale, c'est qu'aujourd'hui, on ne vit pas de ça, même quand on est très bon et qu'on gagne beaucoup de compétitions. Ça reste globalement très associatif en France. Après, là, on rentre dans du débat politique et la santé du sport en France, qui est, à mon sens, déplorable. Et le roller n'en fait pas exception. Ok. Oui. Alors, donc on va enchaîner. Donc, je sais, j'ai perdu le fil. On était à On était au top après 10. Lyon, Oui, top 10 à Lausanne après. Donc une fois que Alex Zvaili qui s'appelait, qui était vice-champion du monde à Lyon, mais motivé à faire du roller, il y a eu le championnat du monde à Lausanne, où là j'ai fait 9e au chrono et j'ai gagné mon premier border. Alors je me suis arrêté en 16e de finale, hein, donc j'ai fait un classement loin derrière. Mais voilà, j'ai fait mes premiers borders, top 10 à Lausanne en chrono. Donc là c'était enclenché, j'avais vraiment envie de faire plus en descente. Ouais, et donc premier top 10, c'était en quelle année, tu m'as dit? Lausanne. On était à quoi? On était à. Je sais même plus. 2014? 2014. Ouais, 2014? donc en fait c'était 3 ans après, même pas le début du roller, 2-3 ans après. ouais, donc en fait c'est allé super vite, quoi. Ah ouais, C'est ça pour fait ça que je quasi me ligne droite. Ouais. Mais je me demande comment t'as fait pour progresser aussi vite. C'est toute ma Bah, question. faut la progresser aussi vite, il n'y a pas de secret. Enfin, moi, je ne voyais pas ça comme étant de l'entraînement, Ouais. mais je le répète beaucoup à toutes ces personnes qui me tiennent un peu le discours, oui, mais c'est inné, oui, mais, etc. Dire à un moment, j'ai passé ma vie à avoir plaisir à partir à 19h de chez moi, à rentrer à minuit en faisant que du roller entre les deux. et de le faire avec plaisir, avec des gens qui en avaient encore envie, dans un groupe où on était régulièrement 8, 9, 10 personnes à avoir cette même envie, à se revoir très régulièrement, très souvent. Ça tombe pas, voilà, j'ai mangé des milliers de kilomètres autour de Nancy et plus. Je me souviens, la première fois, je me suis dit, ah, je vais calculer un peu combien je roule en faisant ça. Ou la première semaine, j'étais déjà à quasi 300 km de roller, 300 km de roller pour me dire, ah, mes rollers, je leur ai mis tant de kilomètres. Je leur ai dit, je vais pas suivre mon carnet, ça fera pas, quoi. Et donc ça a été ça, quoi. Ça a été vraiment ça. Et puis c'est surtout de pratiquer avec beaucoup d'envie et beaucoup de prudence aussi, parce que bien que j'ai été assez jeune pour commencer à faire la descente, il faut garder la tête sur les épaules, faut pas se faire de grosses blessures, faut pas faire tout ça. Donc j'ai toujours descendu un peu avec la peur au ventre, de me dire là, si je m'éclate, c'est pour ma pomme, c'est après au lycée ou tout ça, donc je vais pas être bien, quoi. Et j'aime pas tomber, et je veux pas tomber. Ouais. Donc apprendre en faisant ça et toujours toujours toujours faire plus. Et alors, justement, c'est une question que j'avais en tête. Tes premières descentes, tu disais, enfin même quand t'étais dans le camion qui te remontait, il t'arrive tout en haut, t'as peur de te lancer. Ah ouais. Et est-ce que t'as toujours peur, en fait? Ouais, toujours. Enfin, toujours. Oui et non. Je veux dire que il y a un moment où faut aussi apprendre à se faire confiance, et se dire j'en suis capable. La dernière fois où j'ai eu vraiment vraiment peur, la boule au ventre, même en étant arrivé en bas, ça a été quand j'ai remis mes rollers pour ce dernier championnat du monde là, après là, toute cette période Covid, etc. J'avais pas roulé pendant des lustres, et j'ai mis mes rollers et on allait faire une descente à la planche des belles filles en Alsace. Ou Alsace, non, je crois que c'est Fontalier, c'est pas très loin, mais un spot où voilà, littéralement on peut rouler à 110 km en roller. Et je suis arrivé en haut, j'avais jamais roulé ce spot-là. Je me suis dit, je suis obligé de rouler là maintenant parce que j'ai championnat du monde dans 2 semaines et que si je fais pas de descente avant championnat du monde, je vais pas être bien. Et donc j'ai fait la descente, je m'y suis jeté en presque reculons, et là je me suis dit, tu fais quelque chose d'hyper dangereux parce que tu pars contre ta volonté. Tu pars contre ta volonté, c'est-à-dire que tu mets toutes les chances de ton côté pour te faire mal. Et donc, bah, j'ai surfreiné de partout. Je suis arrivé en bas en mode, je suis dégoûté. Et on dit, voilà, les copains m'ont supporté. Ils m'ont dit, écoute, c'est normal. Si tu veux arrêter, t'arrêtes. Mais je serai toi, j'en referai une. Et je me débloquerai psychologiquement. Parce que si tu pars au championnat avec cette mentalité, t'es mort. Et ils ont bien fait, parce qu'au bout de 2 ou 3 descentes, j'ai relevé. Je me suis cintré dans ma tête, je me suis dit, t'es capable, fais-le, tu l'as déjà fait, tu sais faire, fais-toi confiance, vas-y. Et j'ai dû aller contre ma propre volonté, me dire, bah allez, faut bouger. Et régulièrement, bah, quand c'est des reprises ou quand j'arrive sur un nouveau spot et que je suis en haut du spot, je suis pas confiant, j'ai beaucoup de mal. Et j'ai encore beaucoup appris au dernier championnat du monde, parce que finalement, je me dis que maintenant, mes leviers pour être beaucoup plus performant, ça joue dans la tête. C'est-à-dire qu'on peut avoir le physique, la technique, on peut la travailler, c'est une chose. Mais aujourd'hui, je serais beaucoup plus performant si je me débloque mentalement que si je m'entraîne comme un fou furieux à faire des freinages et de la descente. Et eh ben, tu vois, il y a quelques mois de ça, j'ai interviewé donc une psychologue du sport, justement, qui pourrait t'aider ça. Mais peut-être que t'en as une. J'en ai pas, non, et c'est toujours hyper intéressant. Et puis c'est un domaine qui moi m'intéresse énormément et sur lequel j'aime beaucoup enclencher ces leviers-là. C'est-à-dire que d'aller contre, entre guillemets, pas contre sa volonté, mais de savoir quel chemin est bon à prendre dans sa tête pour se dire ça va le faire. Le dernier championnat du monde, ça a été sur la lecture de course, ça va être sur la visualisation de course, ça va être sur le vocabulaire que tu emploies pendant la course aux gens avec qui tu parles, qui ont un impact énorme sur ta performance. Ça va être les gens qui sont autour de toi, qui eux aussi sont stressés, qui vont te le rejeter, savoir comment écouter ces personnes-là parce que tu n'as pas le choix de les écouter. Comment les fuir, comment essayer de les aider ou pas. Et voilà, c'est toutes des questions et des raisonnements qui sont qui moi m'intéressent, mais là pour le coup c'est personnel, ça dépasse complètement le sport, c'est parce que j'ai eu un vrai intérêt pour ça. Et en fait quand je descends, Je suis assez libre, on va dire, par rapport à ma peur de la vitesse, quoi que ce soit, qui aujourd'hui, je la, on va dire, je fais avec, je la connais, et donc en fait, quand elle est là, la peur de la vitesse, ça me panique pas. Je sais que voilà, j'ai peur, mais c'est normal d'avoir peur d'aller aussi vite. À un moment, voilà, je sais faire, fais-toi confiance et ça va aller. Donc c'est voilà, moi, ça m'intéresse beaucoup de jouer sur ces leviers-là. Ouais, c'est super intéressant ce que tu racontes, que toi, même un champion comme toi continue à avoir peur, quoi. C'est ce qui, enfin, la peur évite l'accident, entre guillemets, hein. Ah ben c'est y a un dicton qui est très simple et que je me suis mis dans le crâne il y a très longtemps, c'est la peur est salutaire, la panique est mortelle. C'est très bien, c'est Il y une a, y a pas, bonne citation. y a pas mieux à dire. Faut savoir se dire que tu as le droit d'avoir peur. Ouais. Si tu t'interdis d'avoir peur, ne fais pas. Ou fais autre chose, ou trouve un moyen de contourner ou de faire avec ou d'aller, mais trouve un autre levier psychologique pour enlever ce billet-là et pouvoir avancer. Parce que si tu l'as en tête, c'est comme partir dans une course en disant mais je vais me faire éclater, mais je suis nul, mais je vais machin. Et à un moment, non, quoi, c'est pas possible. À un moment, tu vas bien sûr attirer les foudres tout seul sur toi, comme un grand, juste parce que dans ta tête, t'es pas bien. Alors que t'as les capacités. Je connais des descendeurs qui ont une capacité, on va dire, une performance absolue, on dit une performance absolue, une performance réelle, hein, la performance absolue étant ce que le descendeur peut faire sur son circuit, le chrono qu'il peut faire, et puis la performance réelle, c'est-à-dire avec bah, toutes les petites barrières psychologiques, techniques, les aléas, le coup de vent, la pluie, le ci, le ça, qui vont déterminer sa performance. Et il y a des descendeurs qui ont des performances absolues qui sont bien meilleures que beaucoup d'autres personnes, mais qui n'ont jamais réussi à passer au-dessus parce que dans la tête, ça bloque. Ah ouais, mais ça c'est ça. Moi je vois, bon moi je fais du badminton. Il Ouais. y a des personnes qui sont meilleures que moi. Quand on fait des matchs à l'entraînement, ils me battent à chaque fois. Et Ouais. pourtant j'ai un meilleur classement qu'eux parce que bah quand ils sont au tournoi, bah, ils font de la merde Se pour décompose. X raisons. Ouais, non, mais c'est voilà. Et donc c'est des sujets qui m'intéressent et c'est des. Aujourd'hui, c'est là-dessus que j'avance personnellement. Ok, alors on va, c'est très bien, on va donc continuer sur, donc t'as fait ton top 10 Lausanne, ta 9e position, et ensuite tu voulais enchaîner sur... Bah, première médaille, championnat du monde, chronomètre à Teolo en 2017. Teolo, c'est dans quel pays? Teolo, c'est en Italie, et à Italie du Nord, à côté de Padova. Je l'ai noté un petit peu en dessous, 11, 2016, argent en 2016. Voilà. Donc ça continue, c'est toujours dans la continuité, hein, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, ouais, c'est 4 ans après à peu près, quoi. 4 ans de pratique, une première médaille. Là, c'était voilà, c'est-à-dire que première médaille championnat du monde inespérée parce que bah, la dernière médaille j'étais 9e, c'est-à-dire qu'il y a un gap dans le classement qui est assez important. Et je fais, en plus, je crois que de mémoire, je fais 4e au border cette année-là. Donc en plus de ça, au border, je me débrouille pas trop mal. Ah oui, en plus, ouais. Et voilà. Et là, pareil, bah. Forcément, grosse prise de confiance en soi aussi, des retours, la fierté de la famille, se dire que bah, j'y suis même pas allé en me disant je vais faire quelque chose à cette compétition. J'y suis même pas allé en me disant je vais faire une médaille, je vais faire mieux. Je voulais juste refaire top 10 dans ma tête. Je voulais refaire top 10 parce que c'est trop cool de se dire je fais partie des 10 meilleurs descendeurs mondiaux. Mais vraiment, pour un aspect purement. Mais ouais, mais en plus c'est vrai, ça, t'arrives à profiter Ah non, mais de... moi, j'ai pas de défaite compliquée. Hein, c'est-à-dire que j'ai toujours. Je me suis jamais dit, ah mais c'est. Putain, je fais que deuxième ou je fais que troisième ou quoi que ce soit. Et en fait, pour la petite histoire, dans les années qui suivent la médaille-là, la première et la deuxième année qui suivent, j'ai refait des. En fait, pour me qualifier au. Pour les qualifier pour les premiers roller games. Les roller games, c'est les Olympiades du roller. Donc, c'est toutes les disciplines du roller réunies dans la même ville pour faire les championnats du monde de toutes les disciplines. Donc, c'est une grosse, grosse organisation qui est co-organisée avec le CIO pour justement répondre au cahier des charges pour que le roller puisse être admissible aux Jeux Olympiques un jour. C'est pour faire des stats, en gros. Et en fait, l'année qui a suivi cette médaille-là, j'ai fait 3 ou 4 Coupes du Monde. Et je faisais tout le temps deuxième, troisième, deuxième, troisième. Et ça m'a rajouté beaucoup d'expérience en descente. Et ça, c'est vraiment cool. Et en fait, on m'a fini par m'appeler Poupou, quoi, parce Ah que ouais. j'étais jamais premier. Donc Poupou, faut expliquer, c'est Raymond Poulidor qui arrivait toujours deuxième et qui, voilà, qui finissait jamais premier. Donc c'était au Tour de France, enfin non, c'était Bah, le dans le Tour de France, cyclisme. Raymond Poulidor, donc on m'a surnommé Poupou, Poupou la descente, et on me surnomme encore Poupou, hein, vu mes derniers résultats, mais... Mais est-ce que tu cherches à être premier ou pas, Ah toi? bon? Non, non, moi je me bats contre... Ça fait très cliché de dire ça, hein, mais je me bats contre moi-même. En fait, je vais pas dire que je m'en fiche des autres, mais ce qui m'apporte, moi, du plaisir, ça va être de faire mieux de ce que j'ai fait de l'année d'avant. C'est-à-dire de prendre tout ce qui n'a pas été de l'année d'avant et essayer d'améliorer ce qui s'est passé. Et après, bah, si aujourd'hui ça me met premier de classement, c'est très bien. Si demain ça me met 80e de classement, eh ben, je serais très content pour les 79 autres qui sont au-dessus de moi, parce que ça voudrait dire que si moi je suis content de ma performance, à l'instant T, que je suis 80e, mais que je suis content de la performance, c'est-à-dire que dans ma tête, de toute manière, je ne pouvais pas faire plus ce jour-là, sans me mettre en danger, sans tout ça. Eh ben, je suis très content, parce que ça voudrait dire qu'il y a 79 autres personnes qui vont vachement plus vite, qui ont réussi à être bien meilleures. Et honnêtement, c'est trop bien. Quand j'ai eu ma médaille de championnat du monde, en fait, c'était au border, donc la course à 4. Et la veille, j'avais perdu, entre guillemets, entre très gros guillemets, j'avais perdu le chronomètre. J'étais deuxième à 0,02 centième Oui. de seconde derrière Diego Posada. Diego Posada, c'est un Colombien. Et en Colombie, le roller est reconnu comme étant comme le rugby en France. C'est quasi sport national, quoi. C'est un truc de fou. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, mais je suis super content que ce soit toi qui gagne, parce que tu vas ramener ce titre de champion du monde chez toi, et ça va avoir un écho dans le monde du sport, de la descente, qui va être sans précédent, et ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, j'ai encore vu une vidéo des Péruviens, mais ils sont peut-être 40 à descendre des pistes. En France, si on est encore tout juste 15 descendeurs à être au moins aussi bons que ces Péruviens-là, c'est le bout du monde, quoi. Et je trouve ça génial, parce que du coup, ça va donner un vrai coup de pub. Quand je dis j'ai pas la défaite amère, j'ai vraiment pas la défaite amère, quoi. Bah ouais, je vois ça, ouais, non, c'est un très bon esprit sportif. Donc pour faire la continuité, donc première médaille à Teolo en Italie. Donc là, bah, forcément, fierté des parents, etc. Ça se passe bien. Ensuite, il y avait les Roller Games, donc ces Olympiades que je parlais, qui se déroulaient en Chine. Qui avait été annoncé l'année là, je crois. Un peu après, justement, un peu après Teolo, ça a été annoncé. Et ils ont dit, bon, en fait, on a la Fédération française qui est venue nous voir, enfin, qui a essayé de prendre contact avec nous, en nous disant, est-ce qu'on a des Français qui sont bons en descente? Parce que bah, c'est une Olympiade et il faut faire des médailles. Et avant ça, bah, quand je dis que c'est un petit sport et que c'est encore pas très reconnu, bah, même en France, ça... Bon, je suppose qu'il y avait quand même des oreilles à la fédération qui avait ouï dire de la descente, mais de là à s'intéresser à se dire est-ce que les Français sont performants, pourquoi, ouais, oui, non, pourquoi, quoi. Et là, ils sont venus nous voir et de manière très intéressée, ils nous ont dit, mais là, est-ce que nous, on est bons? Et puis on leur a dit, bah, c'est simple, hein, on a un ancien Français, donc Harry Pernard, un Lyonnais, qui est 7 fois champion du monde en descente les années juste avant moi. Qui a pris sa retraite quand moi je suis rentré dans le circuit. Donc les Français, on est sur le podium depuis pas loin de 15 ans, quoi. Et ils se sont dit, ah, intéressant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se débrouiller et on va essayer de tricoter pour vous faire des sélections bah, dignes de ce nom, parce que bon, ça reste une Olympiade qui plus est se déroule en Chine. Dans la mégalopole de Nanjing, qui est 7 fois la taille de Paris à peu près. Voilà, faut puis il y a le voyage, c'est des frais, ça coûte cher, donc il y a un moment on n'envoie pas n'importe qui. Donc tout ça se tricote un petit peu autour de Nanjing. Se dire bah vas-y, il faut se préparer, faut ci, il faut ça. Donc nous ça fait un peu du bruit, et puis là on commence à pour la première fois on parle d'équipe de France en descente. Ah ouais. Première fois depuis, voilà, on avait des équipes de France non officielles qui avaient déjà été montées dans les années 2000, 2010, Voilà, par notamment Lyon Rider, qui est un groupe d'amis un peu comme ce que j'ai connu moi à Nancy, mais à Lyon, qui tous étaient très très bons, très très forts, et qui, dès qu'ils allaient sur des compétitions, à chaque fois, ça faisait, ça raclait les top 5, etc. Enfin, c'était tous des super patineurs. Mais on ne parlait pas à la fédération d'équipe de France. Et donc, ça a apparu à Nanjing. Nanjing 2000, je ne l'ai pas noté parce que je suis tombé, 19, 18, 17, 2017. 2017, ok. Nanjing 2017. Et là, donc première équipe de France, il y avait deux hommes sélectionnés, deux femmes sélectionnées et deux invités entre guillemets parce qu'on avait deux descendeurs qui étaient très bons, donc Baba Krastegar et Nicolas Varin qui sont aujourd'hui qui ont fait en plus leur preuve à Nanjing, qui ont ramené quatre médailles je crois, deux quatre médailles. Donc eux ils ont fait le titre de champion du monde là-haut. Parce qu'ils étaient en voyage en fait en Russie, eux ils faisaient beaucoup des pistes de bobsleigh en roller. Oui. Voilà, et ça leur coûtait C'est pas plus cher de faire de faire un voyage Russie-Chine et ensuite Chine-France que de faire enfin finir leur tour quoi. Ils payaient pas beaucoup plus cher, donc ils sont venus, ils ont été invités là-haut. Donc ils ont porté les couleurs de la France et ils ont gagné le championnat du monde en Chine. Voilà. Moi, ça s'est pas super bien passé parce que j'ai pris une très grosse chute ce coup-là. Et je pense que c'était vraiment parce que cette année-là, je m'étais mis la pression. Je m'étais mis la pression, bah, ouais, t'as une médaille, etc. Et ça m'a fait redescendre parce que ça m'a fait prendre un risque qu'aujourd'hui, je ne reprendrai plus. Parce que dans ma tête, je me suis dit, faut que tu prennes ce risque-là, et là, c'est bon, tu fais premier. Ah, j'ai pris le risque, puis j'ai payé cash derrière, quoi. Je suis tombé sur la tête, heureusement, c'est bien passé. Mais bon, là, je me suis dit, tu prends un énorme poc, t'es en Chine. Autant dire que t'as pas envie qu'il t'arrive quoi que ce soit. En plus de ça, tous les participants étaient tombés à cette compétition parce que le circuit était hyper engagé, super intéressant, mais hyper engagé. C'est-à-dire, c'était dans un petit parc, c'était 700 mètres pour dire. 700 mètres, par contre, la route faisait 1,50 m de large, il y avait des palissades de 2 mètres de chaque côté, et c'était 18% de route avec deux épingles. Voilà. Faut l'avaler la route. Donc c'était un super circuit et voilà. Et donc après Nanjing, donc petite prise de maturité de mon côté aussi pour la descente. Commencé à me dire bon c'est bien de faire le zozo sur ces rollers, mais à un moment faut aussi rouler ses culs. Et voilà. Donc la première sélection équipe de France. Donc là on marque une vraie avancée dans la discipline. Quand on dit que c'est un sport où il y a tout à faire, même ça c'était à faire quoi. Et encore aujourd'hui, on est encore en train de peaufiner justement bah, des circuits de sélection pour les équipes de France, ce genre de choses. Et voilà, donc ça avance plutôt pas mal. Donc ensuite, après ça, 2 ans après, Barcelone. Barcelone, 2 ans après, donc les Roller Games, c'est donc les Olympiades, c'est tous les 2 ans. Donc ça fait un Roller Games, un championnat du monde, un Roller Games, un championnat du monde. Barcelone 2019. Barcelone 2019. Bah, mon titre du champion du monde. Oui, c'est très bien. Bah, raconte comment ça s'est passé. C'était sur Ah, combien de temps? T'as fait quoi comme chrono? alors, ouais, j'ai fait quoi? J'ai plus les chronos exactement. En fait, Oui. c'est un circuit qui a fait polémique. Et je comprends complètement pourquoi. Parce que grossièrement, ils avaient établi un an et demi avant à peu près le championnat, ils nous avaient donné le circuit sur lequel on allait descendre. Donc c'était en Espagne, à Barcelone. Les Espagnols ont fait un événement test sur ce circuit. Il faut savoir que 2 tiers du circuit étaient plutôt pas trop mal. C'est-à-dire que c'était un circuit qui était un petit peu engagé, il y avait des virages en épingle, il y avait des pentes à 15%, des gros freinages, des relances. Et le problème, c'est que ça finit le circuit finissait sur 800 mètres à 3% de descente. Donc autant dire un faux plat descendant pendant 800 mètres. Autant dire que là, on parle plus de descente. Ah oui, c'est Ceci étant effectivement dit, oui. voilà. Ceci étant dit, le circuit il a été validé. Bon, très bien. Nous, à un moment, on peut pas faire grand-chose, quoi. Le circuit nous le pose comme ça, bah, il nous le pose comme ça. Donc pendant un an, bah, je me suis pas préparé en descente. Je me suis préparé en vitesse, donc au club de Lyon, parce que du coup, là, pour le coup, j'étais en train de travailler au CDK, c'était dans les dernières années. Je me suis entraîné à Lyon avec le club de Lyon Roller. Et voilà, quoi, vitesse, vitesse, je me suis dit, bah, de toute manière, la descente, Je vais faire ce que je sais faire, même si je perds un petit peu, c'est pas grave. Si moi, derrière, sur les derniers 800 mètres, j'envoie fort, quoi. Parce que comme ça, au chrono, il n'y a pas de souci. Au border, bah, s'il y en a qui n'ont pas les cannes, ils n'auront pas les cannes, quoi. Ils ne vont pas pouvoir avancer. Pas de souci. Donc, je m'entraîne en faisant de la vitesse. Et 2 mois avant le championnat du monde, ils nous disent coupe budgétaire, le circuit, on ne peut pas le fermer. Vous êtes rattaché au circuit de. Vous êtes rattaché au circuit d'Alpine. Alors, le roller alpine, c'est comme en ski. C'est du roller en slalom entre des piquets. D'accord. Voilà. Donc, ils ont rallongé le circuit de l'Alpine pour la descente. Et c'était un circuit où, finalement, il n'y avait pas besoin de freiner. Et on avait un circuit de 800 mètres, un truc comme ça, à 6-7%. Et c'était que des très grandes courbes. Et le grand dernier virage droite, on le prenait à quasi 90 km/h. Et c'était un circuit ce qui a posé polémique parce qu'il n'y avait pas de freinage. Donc à un moment, on n'était pas évalué, nous, sur ce qu'est la descente. C'est-à-dire, la descente, c'est quand même essentiellement savoir freiner, quoi. Savoir freiner pour prendre un virage, une trajectoire, relancer après, comme un circuit de voiture ou de moto, quoi. Et à un moment, si tu freines pas, c'est que le moteur, et voilà, auquel cas, c'est plus la même discipline. Bah ouais, tout à fait, ouais. Donc ça a fait polémique. Bon, quoi qu'il en soit, on est arrivé sur place. On a vu le circuit, on a commencé à faire le circuit, et là, on a commencé à cogiter, à dire, bon, ça va peut-être pas être aussi facile que ce qu'on pensait. Parce que 800 mètres, ça implique que tout le monde était dans les mêmes chronos ou presque. Et auquel cas, ça allait être une course au détail. Donc même si tu n'es plus évalué sur tes compétences de freinage, de prise de virage, de trajectoire, tu étais quand même évalué sur quelque chose. Notamment ton départ arrêté, qui avait un gros impact sur le reste de la course. Ta prise de trajectoire sur des courbes très longues. Et surtout, tes appuis dans des courbes longues. C'est quelque chose qu'on a très peu en descente. C'est-à-dire d'avoir une grande courbe où on est encore en position de chousse et où il faut prendre cette courbe-là à fond et voir notamment à l'aveugle pour le coup sur toutes les courbes-là. Donc il faut aller plonger à l'intérieur du virage, prendre la courbe à l'aveugle au plus serré possible et puis se dire que les rollers n'allaient pas décrocher. Donc c'est beaucoup de lacunes de position dans les virages pour beaucoup de participants. Et la course, en fait... Je l'ai descendu 4 ou 5 fois la première fois pour me faire un peu la vitesse. Ensuite, j'ai posé les patins pendant la journée de reconnaissance et puis j'ai passé la journée à regarder les autres patineurs descendre parce que de toute manière, il n'y avait rien de sorcier à faire. Il fallait juste voir si moi, en tant que position, moi dans ma position, j'étais pas trop mal. Et ça n'a pas loupé parce que j'en avais repéré que 3 participants qui prenaient la dernière grande courbe avec une bonne position, quoi. On va dire, j'en avais que 3 qui, entre gros guillemets, de manière arrogante, m'inquiétaient un peu ce jour-là. D'accord. Et donc toi, cette position, tu l'avais... Pourquoi t'as pris... Enfin, comment tu l'as acquise, cette position ? Mon point fort en descente, on va dire, ça va être cette position de descente. Quand je suis dans un chousse, je me cache bien, je fais qu'une petite boule, entre guillemets, et puis j'arrive à rester bien en bas et... Même si ça monte en lactique dans les jambes, parce que c'est la même position qu'en ski, hein, avec presque accroupi, position caca, comme on peut dire. Ouais. Et puis c'est une position que moi, j'ai à dire que je l'ai travaillée sans la travailler, mais je l'ai travaillée dans l'idée où un jour ou l'autre, il faut se mettre devant un miroir et puis il faut voir qu'est-ce qui dépasse, quoi. On se met en position, qu'est-ce qui dépasse ? Mon coude, là, il dépasse, ma jambe, elle dépasse, mes genoux, ils sont en X ou pas en X ? Est-ce que... J'ai bien mon genou qui vient se mettre sous mes aisselles pour être le plus petit possible. Voilà. Donc oui, j'ai pris ce temps-là pour regarder, pour le faire. Et puis après, il faut le réappliquer avec des rollers au pied. Ça, c'est une autre paire de manches, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Ouais. Et puis, c'est pas forcément très naturel et c'est pas forcément hyper stable pour une personne qui n'en a jamais fait. Parce qu'on demande de baisser quand même les fesses quasiment à l'horizontale pour avoir les cuisses à l'horizontale du bitume. Il faut être très très bas sur les jambes. Et donc je savais que j'avais pas une mauvaise position, j'avais pas un mauvais départ parce que je m'étais entraîné et je remercie beaucoup Erwan Sola s'il écoute le podcast. Je me suis beaucoup entraîné avec Erwan Sola à Lyon sur mes départs. Donc je savais que j'étais pas trop mal sur mes départs parce que Erwan participe au championnat de France et souvent dans les premiers. Et je savais que je le talonnais plutôt pas trop mal, donc j'étais pas très inquiet de ce côté-là non plus. Donc, je suis allé avec quand même pas mal de confiance, beaucoup plus de confiance que les autres championnats. parce que je savais que j'étais quand même dans quelque chose qui allait m'avantager, entre guillemets. Parce que là, il n'y avait plus une question de freiner tard, prise de risque, quoi que ce soit. C'était ni plus ni moins, fallait pas faire d'erreur. C'est le circuit à pas laisser un truc dépasser, à faire gaffe à son petit détail. Voilà. Et j'y suis allé comme ça. Donc j'ai regardé les participants et je me suis dit, bah, ça va le faire, quoi. Cette année, ça va le faire. J'y vais. Le lendemain, il y a les chronos. Il y a les qualifications avant ça. Ils avaient fait un format de qualification qui était assez intéressant. Ils avaient fait laisser descendre les participants pendant 1 heure par discipline. C'est-à-dire que pendant 1 heure, c'était que les lugeurs, par exemple. Ensuite, pendant 1 heure, c'était que les skateurs. Et puis pendant 1 heure, c'était que les rollers. Et puis on passait quand on voulait. Et puis ils retenaient que le meilleur des temps qu'on faisait pendant cette heure-là. Donc j'ai pris le temps de me chauffer comme il faut. Je suis descendu une fois sans pousser trop fort. Puis je me suis mis. J'étais quoi? J'étais premier des qualifications. Oui. Jusqu'aux 5 dernières minutes où il y a un participant, je crois que c'est Renat, non, c'est Diego qui passe devant. Où là, c'est Diego qui passe devant. Je dis, bon, bah, j'ai pas trop forcé, je suis premier de qualif. Les autres, ils ont l'air de partir fort. Ok, quoi. Je vais pas chercher midi 14h, je préfère rester dans un état d'esprit calme, sans stress ou quoi que ce soit. Ouais. Bah, il y a un stress latent, quoi qu'il en soit. Bien Je ne sûr, me oui. dis pas que je suis allé la fleur au fusil en mode hey, c'est bon, c'est pour moi cette année, machin. Bien sûr, j'ai beaucoup de pression. Et de toute manière, il y a l'incertitude du résultat qui fait que on a toujours cette pression constante. Tu portes les couleurs de la France, donc ça rajoute un peu plus. Tu es quand même conditionné aussi, Esprit France, etc. Donc ça met quelque chose sur les épaules. Mais je suis allé quand même en disant ça sent bon. Et je vais quand même demander au staff, aux gens qui l'ont vu partir, je lui dis, mais il est parti comment? Ils m'ont tout dit, il est parti à fond. Il est parti à fond. Je dis, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, quoi. Je lui dis, il y a un truc qui va pas, j'ai pas l'impression de partir à fond et pourtant, je suis quand même deuxième de qualif. Pourquoi pas? Après, hein. Bon, les qualifs s'arrêtent, on passe au championnat. Donc, le championnat du monde, ils font passer du moins bon chrono au meilleur chrono. Donc, c'est-à-dire que le moins bon chrono part en premier et puis le meilleur chrono part en dernier. Donc, je laisse passer tout le monde. Là, la pression, elle monte et c'est horrible. Je déteste ces moments-là. Et à chaque fois, j'ai envie de poser mes rollers et me dire, mais qu'est-ce que tu fous là? Barre-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Barre-toi. Allez, on essaye. Et donc, je prends mon mal en patience. J'ai beaucoup de mal à tenir la pression. Beaucoup, beaucoup de mal. Mais je finis quand même par la tenir parce que, bah, y a pas le choix. Je regarde. J'arrive, donc là, le troisième de qualif part, même les cinquièmes machins que je connaissais, qui je sais sont des très gros calibres, on lui dit, oh là là là là là là, j'aime pas ces moments-là. Là, il y a le deuxième qui part, je lui tourne le dos, je veux pas l'entendre, je veux pas le voir. Je voulais pas le voir partir, en fait, je ne les regardais pas partir dans ma tête, j'étais pas bien. Et il dit, bon, bah, allez, hein, je check, et bon, faut que j'y aille. Ah, c'est à mon Pour tour, je voulais mon pas. calife vient de partir, je suis deuxième de calife, faut que j'y aille. Je prends mon départ, je fais le pire départ, mais même à l'entraînement, mais comme on dit, pression psychologique, tu payes cash. Hein. Je fais le pire départ où genre je m'écrase, voilà, je pars comme je peux, mais je pars. Je finis par pousser, pousser, pousser, position, j'arrive à tout de suite redescendre parce que c'est en descente, c'est ce qui est plutôt soulageant, c'est quand une fois que tu es fini de partir et tu commences à rouler pour faire ton run de championnat du monde, tu as une atmosphère qui fait que ça se relâche et la concentration reprend le dessus sur le stress. Et là, je me dis, tu t'es écrasé au départ, c'est pas grave. Maintenant, tu fais les trajectoires les plus courtes que tu n'as jamais fait de ta vie. C'est-à-dire, j'étais en position de descente, il y avait des rondins de mousse avec des toiles cirées dessus qui protégeaient l'intérieur des virages. Et à chaque intérieur de virage, je faisais en sorte de presque frôler, justement, sentir un peu là, le filet d'air entre la mousse et mon épaule. Et je rentre dans tous les virages, tac, tac, tac. J'arrive dans le dernier grand virage. Donc là, je savais que j'allais quand même très, très vite. Je dis, OK, je prends la trajectoire la plus courte possible. Dès que je vois l'intérieur du virage qui apparaît, je fonce tout droit dedans. Je lui dis, tu vas dedans, tu te poses pas de questions et tu y vas. Et là, dans le virage, il y a quelqu'un qui était tombé juste avant moi, qui la botte, la protection à l'intérieur du virage n'avait pas été remise exactement, entre guillemets, dans la continuité des autres. Et j'ai mon tibia qui a tapé dedans. J'ai mon tibia qui tape dedans, je suis à. Je ne pourrais même pas dire à vitesse, je vais dire, je vais minimiser, je vais dire 85 km/h, ce n'est 90 ou plus, ce n'est beaucoup plus. Et je tape dedans, et là, je prends un écart, je me revois m'éclater comme en Chine. Je me revois, mais me faire très, très mal. Et là, je commence à voir les yeux qui regardent l'extérieur du virage, je voyais la ligne d'arrivée, mais je regardais l'extérieur du virage, je me voyais me dériver. Et dans ma tête, je me dis non, déjà tu restes en bas parce que c'est un jeu de précision, donc il faut rester en bas, il ne faut pas se lever pour pas avoir l'appui de l'air sur le corps. Je reste en bas et excès d'arrogance, je me dis tu regardes la ligne d'arrivée, tu vas à la ligne d'arrivée. Quand on dit en école de roller, et ça c'est valable pour tout le monde, Oui, vous allez là où vous regardez. Il c'est n'y a ça. pas le choix. Le corps sait s'articuler, le corps fait mieux que ce que ton esprit sait faire. On peut le laisser faire. Donc là, je me suis dit, non, je ne veux pas m'éclater. Je regarde la ligne, je récupère l'appui au dernier moment, je coupe la cellule comme je peux, je crie tout ce que je peux pour lâcher la pression en sortie de ligne droite et je monte dans le bus. J'arrive dans le bus, ça redescend. Je me dis, je me suis écrasé au départ, je tape l'intérieur, c'est mort. La compétition est morte. Genre, dégoûté. Ensuite, on remonte dans le bus, ils annoncent le champion du monde, Diego. Donc moi, dégoûté, dégoûté vert en mode, mais non, sérieux. Franchement, trop nul quoi. Puis j'arrive en haut, il y avait les feuilles de résultats qui étaient arrivées en haut en même temps. J'arrive en haut et puis j'ai tous mes copains qui sont là, ouais! Je dis, bah, ok, d'accord, très bien, mais en fait, c'est pas moi. C'est pas moi le premier cette année. Et puis on me dit, ouais, t'es deuxième, t'es deuxième. Du coup, je fais, ouais, ok, d'accord, très bien. Ah bon, content, mais ok. Combien derrière? 0,02 centième. Je dis, ah ouais. Et ensuite, on me dit, bah, le troisième, il est à combien? Alors moi, je me demande, le troisième, il est à combien? Le troisième, on monte 2 secondes sur un circuit de 800 mètres. Autant dire, on met un boulevard à Diego et moi. Et là, je me souviens, je redis à mon copain, je dis, oh, c'est bon, je m'en fous. La médaille, c'est comme si je Oui, l'avais. parce qu'en Donc, moi, fait, j'avais fait la compète. J'étais pas encore champion du monde, mais j'avais fait la compète. Donc, mais c'est je vrai. me suis complètement relâché. Ouais, dis-moi. Ouais, si bon, t'as chié ton départ, Ouais. ça c'est ta faute, je dirais. Mais le coup de la Exactement. botte de paille, si elle avait pas été là, tu l'aurais battu, quoi. Enfin, t'aurais été Ouais, mais avec premier. Messi, on refait le monde. Et pour moi, je fais deuxième. Enfin, je suis D'accord. OK avec ce que j'ai dans ma tête. Comme je dis, j'ai pas la défaite amère. Je veux dire, à un moment, je suis pas là en train de me battre contre une institution. Je suis pas payé pour faire du roller. J'ai pas envie de me prendre la tête pendant un championnat du monde. On me paye mon championnat, quoi que ce soit, parce que bah, je suis équipe de France et tout ça. Je vais pas commencer à aller faire des chichis pour une Bien botte sûr, de non, non, mais parce qu'après on va me demander, tu refais ton truc. À un moment, tu donnes un effort de 50 secondes à toc. C'est pas dit que tu saches le refaire exactement avec la même montée en pression, le même conditionnement psychologique aussi derrière qui joue énormément sur comment ton corps va réagir. Et donc non, moi je voulais pas me battre là-dessus. Pour moi, j'étais très content de ce que j'avais fait. Deuxième, c'est une super place. Même bah voilà que le circuit soit ce qu'il est. J'étais très content de ce que j'avais fait. Et pour moi, j'avais fait la compétition. Donc le soir, il y a la remise des médailles au Club France, etc. Très content, tout ça. Thomas Boucher, là, toujours aussi gentil avec nous et tout ça, toujours accueillant. Moi, j'étais très content. J'avais mes parents qui arrivaient. J'avais des amis et des parents qui arrivaient pour le dimanche pour la compétition des boarders, en fait. Et donc le lendemain, on part pour faire les boarders. Et on part pour faire les boarders. Donc, bah, comme je suis deuxième, je passe les boarders. Je fais toutes les phases qualificatives jusqu'à la finale. Donc, je me qualifie en finale. On arrive, il est à peu près 11h. À peu près 11h. On finit les phases qualificatives à 11h. Donc, assez tôt quand même pour pouvoir faire tous les skaters l'après-midi. Et j'avais toujours pas vu mes parents qui devaient venir. J'avais mes amis qui devaient venir aussi. Je les avais toujours pas vus. Donc, moi, j'étais toujours à fond, roller, machin, quoi que ce soit. Et on me dit, bon, bah, allez, la finale homme. Il faut partir à la finale femme juste avant nous. Finale femme, elle descend. Ensuite, finale homme, préparez-vous. Donc, on se prépare. Rebelote la pression insoutenable qui remonte, quoi que ce soit, là, pendant 5 minutes sur le haut de la ligne. Et puis, on attend. Et on attend. Et on attend. Et puis, on demande des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les filles qui sont crachées vraiment pas bien. Il y a les deux ambulances qui sont parties avec. Donc, pas d'ambulance, pas d'événement. Ok, très bien. Donc il nous dit, bah restez prêts parce que ça peut partir à tout moment. Alors, une organisation qui dit ça à quatre personnes qui disputent un championnat du monde en haut d'une piste, t'imagines bien des lions en cage. La pression, insoutenable. Insoutenable. Sincèrement, l'envie d'enlever ses rollers milliards de fois pendant ce temps-là. Et Bah ça oui, parce que dure une tu demi-heure. sais pas quand est-ce que ça va partir, quoi. C'est Ouais. fou, quoi. Et ça Et dure finalement, vous avez une heure et attendu combien demie. de temps? Une heure et demie sur la Oh. ligne. Et pour nous qui nous disent, du coup, donc là, il était quoi? Donc 11h, midi et demi, à peu près? Midi et demi, une heure. Il dit, du coup, on vous reporte après les skateurs parce que sinon, on peut pas tenir le planning, vous passez à 19h. Ouf. Bon. Alors, t'imagines, conditionnement psychologique catastrophique. Carrément. Ça, étant dit, étant fait, pourquoi pas. Et je retourne à mes affaires. On avait un petit village de patineurs qui était juste en haut de la ligne de départ. Et donc, je me pose dans ma valise ou quoi. Là, j'ouvre ma valise, je vois le téléphone qui sonne, mon meilleur pote qui m'appelle. Je décroche. Je dis, ouais, la compète s'est reportée à 19h, vous êtes où? Je voulais plus être à la compétition, hein, j'étais là, non, mais j'en peux plus, quoi, la pression, c'est terrible. Et ils me disent, ouais, vas-y, il y a ton père qui remonte, qui est en train de revenir vers toi, et ton père qui remonte vers toi, et tout, on se voit, on mange ensemble, et tout ça. Et en fait, là, j'ai enlevé les rollers, et j'ai retrouvé mon père, et ça a été une vraie soupape de décompression, pour le coup. Ah, c'est effondré comme pas deux. C'était un très très très fort moment parce qu'ils viennent très peu me voir sur les compétitions en fait. Et là, c'était une chance de les avoir. Qui plus est, sur une compétition où j'avais un titre de vice-champion du monde déjà dans la poche. Donc j'étais ultra content de les avoir ici. Et puis voilà, les meilleurs potes, tout ça. On s'est rejoint le midi, toujours cette atmosphère, cette ambiance. Et puis on est reparti. Je suis reparti vers 18h. Après avoir bien décompressé, en fait, je pense sincèrement que sans cette soupape de décompression, la finale ne se serait pas du tout passée de la même manière. Ouais, Parce c'est que ça m'a fait un bien fou, parce que là, je me disais, j'ai un support, j'ai quelque chose ou quelqu'un sur qui me poser si jamais ça ne va pas. Et me dire, là, en fait, je descendais pas pour moi, je descendais vraiment pour eux, qu'ils soient contents de me voir descendre ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit, ouais, on t'a vu passer deux, trois fois et tout, et là, c'est génial, quoi. Parce que Oui, parce je. qu'ils étaient quand même là le matin, tu les avais pas vus, mais En eux, fait, t'as ils eux sont te arrivés, voyaient. ouais, milieu de matinée, donc ils ont vu peut-être les huitièmes quarts et demi-finales. Donc c'était sympa. Hein, donc avoir un peu leur retour et de se dire, ouais, pour moi, là, c'était un enfant qui veut faire plaisir à ses parents, quoi. Vraiment, de ça. Et donc je repars pour la compétition. On part. Donc en haut de la ligne, j'avais qu'une appréhension. Il y avait un Espagnol et un Français. Donc il y avait Etienne Herreros qui s'était qualifié. Avec un Espagnol, Andreu Grasset. L'Espagnol a fait une super performance, c'était un super championnat pour lui parce qu'on ne l'attendait pas du tout à cette place-là. Il a fait à peu près le même gap de niveau que moi entre Lausanne et Théolo. C'est-à-dire qu'il est passé D'accord. dans le top 10 à tout de suite médaillé, quoi. Donc c'est un truc assez fou, quoi. Et un quatrième, pas des moindres, Luca Presti. Luca Presti étant une légende du roller de vitesse, notamment sprint, marathon sprint, non, marathon, pardon, pas sprint, plusieurs fois champion du monde de marathon, d'hyper distance, des 100 km, enfin voilà, un sacré patineur qui était venu parce qu'il savait que ça freinait pas. Eh Il ben a dit, oui, c'est pour ça, c'est ce que j'allais dire, c'est ouais, c'est un circuit pour lui, quoi. bon, faut dire ce qu'il y a, il a un grain dans le cerveau et il n'avait pas peur de la vitesse. Et il avait une super expérience, puis c'est quelqu'un qui doit avoir 40 balais, quoi, taper pendant l'événement. Mais il avait fait troisième au chrono. C'était lui qui était derrière moi, au chronomètre. Enfin voilà, un sacré morceau. Et on m'a tous dit, tu fais gaffe à lui, tu fais gaffe à lui, tu fais gaffe à lui. Et j'ai la chance de passer dans ce petit village de patineurs à côté du groupe d'Italiens, où lui, il était là préparé. Donc tout le monde avait fini la compétition à ce moment-là. Hein. Tous les Italiens étaient bien habillés et tout. Puis j'entends un Italien. Je parle pas italien, mais je comprends qu'il lui dit deuxième virage, toi deuxième au moins, pour pouvoir prendre l'aspiration et passer premier après. Je comprends qu'il dit ça. Je passe, je dis rien. Grand sourire hypocrite, hein, comme toutes les compétitions. Ouais, ça va, ouais, ça va, pas de souci. Et en fait, on prend le départ. Je pars pas à fond. Et je vois qu'il est à côté de moi et on se regarde en train de rouler Ouais, pendant et pas donc dans à le côté, pas devant toi, pas derrière toi, à côté. match. À littéralement à côté. Ouais. Et lui, en fait, qui me jauge. Il me jauge, genre en mode passe devant, passe pas devant. Et on avait mis quand même un peu de distance au deuxième et troisième, donc à l'espagnol et au français. Et là, la situation là, c'est il faut que l'un des deux prenne une décision dans un quart de seconde, il faut que l'un des deux passe devant. Parce que si nous on se met pas d'accord, qu'on prend du temps, les deux qu'il y a derrière vont rattraper l'aspiration et c'est eux qui vont passer devant en fin de circuit. Ah oui. Voilà. Et après, bah, faut composer avec, quoi. C'est-à-dire, soit on fait la course tous les deux devant et on se débrouille comme on peut se débrouiller, soit on se chamaille et puis là, ça va être une course à quatre et ça va être compliqué. Et là, avec cette arrogance, je me dis, je regarde et je vois qu'il part pas si fort que ça. En plus, Thomas Boucher, avant le départ, est venu me voir. Thomas Boucher, qui est un sprinteur de Renault, qui travaille à la fédération et qui encadre les jeunes du Pôle France de vitesse. Ouais. Il est venu me voir avant et c'est ça qui m'a mis en confiance. Il m'a dit, écoute, Sylvain, je l'ai regardé partir, tu pars plus fort que lui. Que ça soit du pipé pour que je sois bien dans ma tête ou pas, ça fait son effet. Et donc, je pars et je me dis, mais je le vois à côté de moi, je m'en faisais une montagne en fait. Il me dit, ben, vas-y, je le bouffe. Dans ma tête, vas-y, je le bouffe. L'arrogance en plus de ça, c'est qu'on arrivait en fin d'une ligne droite, il y avait une toute petite cassure à gauche, donc un tout petit virage sur la gauche. Je fais un croisé et je passe devant et je me mets dans une position en tendant le pied bien loin derrière pour le gêner un peu, pour pas qu'il se mette complètement collé à moi. Et ensuite, je me mets en position et toute la descente, je me dis, tu bouges pas d'impète et tu fais le chrono que t'as pas pu faire la veille. Et tu vas à toc de partout, tu rases de partout, mais sauf que dans chaque ligne droite, à chaque début de virage, le casque, je n'osais pas regarder entre mes jambes pour voir ce qu'il y avait derrière. Je n'osais pas me retourner ou quoi que ce soit parce que bah, j'allais casser ma position aérodynamique, j'allais forcément freiner un petit peu. Peut-être que s'il n'était pas loin, voilà, une chose entrait dans l'autre, ça n'allait pas le faire. Et là, je regarde, je casse la visière là, sur les côtés, et en fait, dans la ligne droite, j'avais mes yeux qui faisaient droite, gauche, je l'attendais. En fait, j'étais pas focus sur la course que je faisais, mais j'attendais que, avant le dernier grand droite, je me dis, il va me rentrer dedans à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois que j'entrais dans un virage, je vais pas dire que je me laissais tomber, mais je me disais, là, je peux avoir quelqu'un qui vient m'appuyer à l'intérieur, faut pas que tu te fasses déséquilibrer. Et je rentre dans le dernier virage, dernier grand appui, donc je prends fort, fort, fort, fort, fort. Et dans ma tête, c'est faut que tu tendes le pied le plus tôt possible, parce que ça se trouve, il est juste derrière toi. Juste derrière toi. Et donc, je me mets en position pour pouvoir mettre mon pied devant. Et la position, je commence à la faire. Alors que je suis encore en train de tourner, un truc que je suis incapable de faire consciemment. Et je sors du virage, je me mets en position. J'ai mon pied qui passe la ligne et je vois qu'il n'y a pas d'autre pied sur la ligne. Voilà, t'imagines bien que pump it C'est up. sûr. Et là, je crie tout ce que je peux crier. J'arrive en bas de la descente et il y avait un petit virage à droite qui nous faisait remonter pour qu'on s'arrête sans avoir à freiner, qu'on s'arrête dans une montée. Limite, je me mange le mur ou pas loin. Qu'est-ce qui se passe? Je crie tout ce que je peux et j'arrive en haut, je m'arrête, je regarde pour voir où il est. Et il était pas loin derrière, mais il y avait quand même un peu de jus. Et je le regarde et tout, il me fait merci, machin, les accolades de fin de compète. Mais moi, dans ma tête, c'est bon, quoi. Allez, on remonte, on change les affaires, et puis la compétition, elle est finie. Je ne réalisais pas du tout que j'avais le titre cette année-là, quoi. Et là, il y avait les staffs, comme on avait pris du retard, c'était une descente qui ne devait pas être faite, ils se sont dit, on fait directement podium, vous remontez pas en haut, vous gardez les combinaisons, les rollers, et vous faites podium comme ça. Et D'accord. là, dans ma tête, c'est le. Mais attends, à la ligne d'arrivée, j'ai mes parents qui m'ont attendu l'après-midi, j'ai tous mes potes. J'ai tous mes potes. Il n'y a pas ma copine qui était restée bloquée, malheureusement, mais j'ai tous mes parents. Je dis, oh putain. Et là, on en vient au meilleur souvenir de toute ma vie sur l'horreur, quoi. C'est que là, je réalise que j'ai tout le monde qui m'attend en bas. Et ça va être pump it up, quoi. Bah ouais. Pump it up. Et donc, du coup, je descends. Et donc, je remonte la fin du circuit. Et en arrivant vers l'arche d'arrivée, je vois un paquet de 15 personnes qui sautent et qui crient. Littéralement, un paquet de personnes qui sautent et qui crient. Tu vois, oh, trop bien. Et puis, en fait, je vais les voir. Et puis là, je m'effondre dans les bras de mes parents, quoi. Donc, Ah là, il y c'est a super. meilleure image. Puis, il y a des super images qui ont été capturées par. Qui a été capturé par Ah, j'ai perdu le nom. Je tire par la Fédé. C'est. Oh mon Dieu, il va m'en vouloir. Scotland, non? Brillant. Oui. Pascal Brillant, c'est bon, j'ai retrouvé. Ah, Pascal Brion, ok. Pascal Brillant, voilà. Ancien très gros concurrent du coup à Lucas Presti avec qui j'avais descendu et qui lui filmait tout. Qui filmait tout à la fédération et voilà, il a capturé ce moment-là et là, je le remercie 1000 fois quoi, parce que c'est un souvenir de fou. Voilà. Et donc après ce championnat du monde là, c'est le dernier championnat du monde en date. Mais donc du coup post-Covid, donc l'événement a perdu beaucoup de son ampleur. On ne sait pas du tout où est-ce qu'on va l'année prochaine et tout ça pour les championnats du monde ou les roller games parce que les roller games ont été reportés. Oui. Et voilà quoi. Et après on atterrit sur aujourd'hui. Bah c'est voilà donc bah écoute c'est une superbe histoire quoi. C'est vrai que c'est le meilleur moment avec à partager avec tous tes proches quoi. C'est super quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, bah, on avait fini à Et puis 7h du matin. la course que tu fais et t'as pris la décision de. Bon, après, c'est des souvenirs, comme Pascal me disait sur le moment-là. Il me disait, bah oui, ça renvoie à toutes les personnes qui ont vécu ces moments-là. Ça les renvoie forcément à des souvenirs. Ouais, je veux dire impérissable, mais ouais, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des souvenirs où ouais, ça m'arrive de retomber sur des vidéos et d'avoir des émotions de fou, verser une larme. J'ai une vidéo en l'occurrence qui marque ça, où c'est mon meilleur pote qui filme mon arrivée, où je l'entends dire ouais, machin, et j'entends mon père qui crie, quoi. Et en fait, le roller, au-delà même de moi, c'est la fierté de mes amis, c'est le regard de mes parents, c'est ça qui me donne envie aujourd'hui de me dire je vais faire une compétition et puis ça se trouve, je suis encore pas trop mal, je vais faire quelque chose et ça va rendre tous ces gens-là fiers. C'est même pas forcément pour moi, parce que comme je dis, moi je me bats pour moi-même. Alors que si je fais premier, c'est que j'ai réussi à assez bien grandir et à suivre le train qui va bien. Après, si je vais à une compétition mais que je refais des erreurs que j'ai déjà fait ou que je me prends pour ce que je suis pas, ça me plaira pas en fait. Et là-dessus, je préfère aller. Ça m'est arrivé de dire non à des compétitions. Il y a une année, hein, où j'ai pas fait de championnat du monde parce que je le sentais pas. Ouais, bah Parce qu'il y écoute. a 2000, pas 2016, 2015, c'est juste après Lausanne quoi. Ça va être 2015, un truc comme ça. Et je sentais pas, j'ai pas fait. Ouais, mais je pense que de toute façon, il faut que le sport qu'on fait reste un plaisir hein, avant tout, quoi. Hein. Non, mais c'est sûr. Bah, après, moi, il n'y a aucun problème à pas prendre de plaisir à partir du moment où tu es payé pour. Oui. Je veux dire, tu es payé pour, c'est ton travail. Donc, non, tu peux arriver à des moments dans ton travail où tu n'as pas plaisir à faire. Alors, bien sûr, Oui. je crois que ça représente un Oui. temps, 30% de ton temps, dire, ah, j'ai pas plaisir. Mais voilà, ce serait la seule condition, entre guillemets, où on pourrait voir des patineurs qui ne prennent plus plaisir à faire ce qu'ils font. Et qu'ils le font bah, parce que je sais pas, ils portent une marque ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup de respect pour ces hyperstars du sport qui finalement se tapent des choses qui peut-être ne leur font peut-être pas plaisir. Ça peut être du plateau télé, ça peut être des choses comme ça. Ou j'espère pour eux qu'ils le font avec un immense plaisir. Mais c'est vrai que c'est des responsabilités derrière qui sont complètement autres qu'une personne qui va sur un championnat ou même une course régionale. Hein. Je veux dire, sans même parler de championnat du monde, on peut voir une échelle beaucoup plus locale. C'est-à-dire si on a un enfant qui n'a pas envie forcément de faire une compétition ou quoi que ce soit, bah s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Je veux dire, à un Bah moment, oui. faut pas forcer. Hein. Moi, quand je faisais du judo, on m'a dit viens faire des compètes. Mais non, j'ai pas envie de faire des compètes. Et j'en ai pas fait. La seule que j'ai fait, ça s'est pas bien passé et j'ai arrêté le judo derrière. Ah Mais mais sinon, mince. dire à un moment, après bon, on parle d'un enfant de 8-9 ans, quoi. Hein. C'est pas, on parle Oui, c'est pas. pas d'un adulte en pleine conscience. Mais pour moi, c'est une variable, c'est une invariable du sport. On est obligé de se faire plaisir. Bah ouais. J'intervenais dans. J'ai quelqu'un qui m'a contacté, un étudiant qui met en lien des sportifs du Bénin et avec d'autres sportifs ou quoi que ce soit. Et j'avais échangé un peu avec eux et on m'avait posé la question, il a où le plaisir là-dedans? Je sais plus comment on a. Non, quelle est la clé? Quelle est la clé pour être, comment dire, pour durer dans le sport? Elle dit comment faire pour durer dans le sport? Bah, pas milliard de solutions, il faut se faire plaisir. Tu ne fais pas plaisir, c'est fini. Il y a des sportifs, je connais un ou deux sportifs qui ont récemment pris la décision d'arrêter le sport, la discipline, parce qu'il n'y avait plus la variable plaisir, parce que leur pression pendant les événements était trop grande et qu'ils géraient pas ça du tout. On en revient à ces performances absolues et concrètes, quoi. Parfois, Ouais, tout à fait, hein. Mais c'est comme, ouais, comme les artistes, enfin, moi je pense aux chanteurs ou à beaucoup de personnes qui vont tout d'un coup, ou aux acteurs qui vont tout d'un coup faire un tube ou un super film et ils vont devenir très célèbres d'un coup et donc ils vont avoir des autographes, hein, des personnes vont leur demander des autographes, tout ça. Ils vont devoir faire des plateaux télé, effectivement, et finalement, est-ce Bah, que. ça leur plaît pas, et Ouais. voilà. Mais on peut pas juger, voilà, on pourra jamais juger quelqu'un qui a performé dans son domaine et on l'a baigné dans un monde qui n'est pas le sien. Lui, si son monde c'est la musique, c'est voilà. Après, tu as des gens, leur monde c'est faire de la scène, ah, d'accord. Oui. Mais après, pour des sportifs, bah, c'est complètement différent. Sportif, ça le corps est engagé, quoi. Moi, je vois faut faire ça avec envie. Hein. Je fais souvent l'exemple du gymnaste. Le gymnaste, il y a un moment, il n'a pas le choix que d'avoir envie de faire ce qu'il fait. Quand on voit les volumes de travail qu'il y a derrière, on voit même les patineurs qui sont en Pôle France aujourd'hui. Enfin, j'ai un immense respect pour eux. Moi, je reste un sportif indépendant à côté. Il y a dans la trame, c'est combien de temps je passe sur mes rollers par semaine? Une Oui. question qu'on me pose de temps en temps, et c'est une question qui peut être pertinente. C'est là où ma discipline a l'avantage, à l'inconvénient de ses avantages, on va dire. L'avantage, c'est que c'est confidentiel, entre guillemets, parce que bah, du coup, c'est très famille comme discipline. Bah, l'inconvénient, c'est compliqué à s'entraîner, c'est quelque chose qui n'est pas rentré dans les mœurs, qui est difficile à expliquer à des institutions, à des communes, par exemple, quand on vient demander à une commune de fermer une route communale pour pouvoir faire une descente. Bah, faut expliquer quelle est la discipline, quelle est tout ça. C'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir, moi, à faire toutes ces interventions, déjà passer sur deux ou trois journaux télévisés, des journaux papier aussi, bah, pour colporter un petit peu cette image que bah non, c'est pas des fous, c'est pas machin. Et on a besoin de ces temps, justement, pendant ces événements sécurisés par des marshals, sécurisés par comment dire, Il y a toujours des médecins sur place sur ces événements-là où il y a des camions pour nous remonter. Voilà. Et combien de temps on passe sur des rollers, bah, tout dépend de ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on considère comme étant un temps de roller efficient? Moi, par an, si je fais allez, trois événements, trois week-ends complets de roller de descente avant le championnat du monde, c'est une super préparation pour moi. Oui, bah y a tellement peu d'événements, c'est sûr que. Voilà, et donc en fait, à côté de ça, bah, c'est plutôt du roller. Ouais, voilà, il y a plein de profils différents qui se préparent de manière très différente. C'est-à-dire qu'on va avoir des profils de patineurs qui vont rouler un peu comme ce que je faisais avant, de rouler en ville avec des copains. Mais rouler, pour avoir le plaisir de rouler, pour avoir ses rollers au pied, et puis voilà, faire des freinages X ou Y, voilà, que ce soit du freinage en parallèle, du freinage en soule, voilà. Ils le font en ville, ils s'entraînent comme ça. Bah, tu vas avoir des patineurs qui vont être plutôt dans l'entraînement quasi olympique. Je pense, bah alors, Florian Petitcolin ne fait pas de descente à proprement parler. Mais voilà, on va avoir des profils de patineurs qui vont vraiment aller s'inscrire en salle de sport, qui vont aller se préparer physiquement comme ça, pour que sur l'événement soit très fort. On va avoir le champion du monde actuel qui va faire beaucoup d'événements de descente. Je pense que ça, c'est la meilleure des préparations. Et là, il passe, c'est pas par semaine, c'est plutôt bah, par an, combien de journées de roulage efficientes tu as dans les jambes avant un championnat. Et là, lui, il va plutôt être à 7, 8, 9, 10 journées de roulage efficient. Et puis après, Barcelone, je l'avais préparé avec le club de Lyon, donc j'avais, on va dire, 3 ou 4 heures de roller de vitesse en club. Mais par Ouais. contre, le reste de la semaine, c'était 12 km de roller par jour pour aller et venir au travail. Minimum. C'était 20 km aller-retour quand j'avais des entraînements. C'était le cours du lundi soir avec bah, ma copine et les copains où on allait apprendre à faire du roller un peu à tout le monde ou quoi que ce soit. Donc là, c'était encore bah, 2 heures de roller au pied dans un gymnase. Et voilà, c'est la succession de tout ça. C'était les randonnées aussi en ville de temps en temps ponctuelles. Donc là, ça faisait beaucoup de volume en roller. Mais c'est hyper, hyper variable parce que bah, Une fois de plus, pour moi, la carotte, entre guillemets, n'est pas assez grande parce que on est à un week-end de roller, ça coûte vite cher, faut du temps. C'est compliqué. Quand je travaillais dans le magasin, j'avais pas de week-end. Donc, je pouvais les demander, mais c'est toujours la même chose. Ça te fait poser des congés payés, ça te fait partir le vendredi, ça te fait rentrer le lundi, t'es éclaté. Voilà, donc c'est, tu peux pas non plus te permettre de partir 6 week-ends pendant l'été quand tu bosses dans un magasin, notamment de roller en plus. Donc c'est des contraintes qui, c'est hyper variable pour ce qui est du temps sur le roller. D'accord. Il y avait des petites questions que je voulais te poser. J'avais entendu une fois sur le Tour de France, il y avait quelqu'un qui avait fait une chute en descendant une montagne. Et il a dit comme j'ai fait du judo dans mon enfance, je me suis mis en boule et donc j'ai Ça eu va. quasiment rien par rapport à la gravité que ça aurait pu être. Ouais. Est-ce que t'as eu une synergie, toi, entre le roller de descente et d'autres sports comme le judo ou autre? Oui, une synergie. Je fais un tout petit peu de moto sur piste, où là on va Ouais. avoir beaucoup de similitudes sur la gestion émotionnelle de la vitesse, beaucoup de similitudes sur entre guillemets la physiologie d'une course, c'est-à-dire de freiner au dernier moment, de prendre son virage en une seule fois, de relancer fort, hein, extérieur, intérieur, extérieur, sur les trajectoires, des choses comme ça. Voilà, ça on y retrouve, mais parce qu'on est dans le dur de la chose. Après, des parallèles un petit peu plus écartés comme le judo, je vais dire oui, parce que j'ai eu fait du judo quand j'étais petit, donc j'ai souvent le réflexe quand je tombe de taper le sol entre guillemets avec les mains. M'éclater plutôt les mains et faire en sorte de ne pas m'éclater un coccyx, des côtes, des épaules ou quoi. Mais une fois de plus, c'est situationnel en fonction de comment on va tomber dans le virage, de comment ça va se passer. Après, il n'y a pas de secret. Faut se dire aussi qu'on est vachement plus protégé quand on est sur un vélo. C'est-à-dire que le parallèle, je le fais souvent, où notamment la planche des belles filles, quand on va la descendre, il y a énormément de cyclistes qui la montent, mais surtout qui la descendent. Et nous, on a un intégral, des dorsales, des machins, et eux vont quasiment aussi vite que nous, alors qu'ils ont un lycra sur le dos et puis un casque bol. Et Ah oui, l'argument, tout à c'est fait, oui, ouais. mais prendre vélo, c'est facile. Ouais, mais nous, c'est pas plus compliqué, puisqu'on a appris à faire, on a passé autant de temps sur nos luges et nos rollers que sur vos vélos. Donc, il y a un moment, c'est la même efficacité, et pourtant, on est encore bien protégé. Après, bien sûr, je vais pas dire équipez-vous comme des fous pour aller monter un col, hein. C'est Oui. pas ça la question. Mais c'est juste pour faire un parallèle en termes de prise de risque. Et c'est juste pour pouvoir souligner le fait que non, on n'est pas des fous du bitume, des trompe-la-mort comme France 3 a pu le dire fut un temps. On n'est pas bête quand on fait ça. Bien au contraire, on est même beaucoup, on a bien plus la tête sur les épaules que beaucoup d'autres pratiquants. De genre de discipline qui descendent un t-shirt sans dorsale. Je dis pas, je l'ai été quand j'étais gamin, mais prescription, j'étais gamin. Bon, je me cache un petit peu là-dessus, j'avoue. Ouais, mais après, oui, puis t'étais même pas encadré, t'étais vraiment tout seul, comme tu disais, t'as été Oh, puis auto. c'est l'insouciance. Enfin, Ouais, je dis pas voilà. qu'aujourd'hui je suis un garçon et que j'arrête de faire des bêtises, hein. Je veux dire, j'en fais encore. Jusque maintenant, je sais dans quoi je m'engage. C'est-à-dire que c'est aussi un contrat moral avec moi-même de me dire, ok, tu décides de faire cette compétition, cette descente, ou de prendre ce virage de cette manière-là avec un risque d'eux. Bah oui, ça peut arriver que ça arrive. Donc il y a un moment, ça peut arriver. On n'est pas à l'abri d'une chute, on n'est pas à l'abri de tout ça. On garde ça bien au coin de la tête, et ça rejoint ce que tu me dis, tu descends en ayant peur, bien sûr, et heureusement. Ouais. Ok. Alors, je vais te poser les dernières questions. Il y en a quand même pas mal. Donc, avec quel matériel tu roules? Tu vas me dire, ça dépend de ce que tu fais, si tu fais la descente ou autre. Je vais prendre le matériel, je fais tout avec. Je descends avec les FR Skate SL, ceux qui ont le spoiler, donc c'est la partie qui tient la cheville en carbone, avec leur platine 3x125 de chez FR Skate toujours. Des roulements, j'ai soit des ILQ9 pour la ville, donc pour l'utilisation de tous les jours, et en compétition, je suis sur des céramiques de chez Bones. Et les roues, ça va être de la MPC X Firm. C'est la roue à tout faire. Je pense que c'est aujourd'hui la plus polyvalente, qui a le seul défaut d'être extrêmement chère. Donc j'ai Voilà, l'avantage alors ouais. Et tu bouffes des roues. Enfin, sur une compétition, tu vas bouffer combien de jeux de roues? Ça dépend du tracé. Un tracé comme Barcelone, ça m'a pas pris beaucoup de jeux de roues, ça m'en a pris deux, je crois, ce qui est déjà suffisamment cher pour ce que c'est, hein. Ça reste quasi 500 euros d'investissement quand on parle de la MPC, hein. Ça fait 250 euros le jeu de roues. 6 roues de MPC, c'est 250 euros à peu près. Sinon, on va dire que ça va être un jeu de roues pour le run de championnat du monde. Ça va être un à deux jeux de roues pour les borders en fonction du nombre de borders qui sont faits. Et ça va être un à deux jeux de roues sur les échauffements et les qualifications en fonction de. Donc ça peut aller de au minimum, je vais dire qu'on peut faire une compétition avec un seul jeu de roues. Ça, il n'y a aucun problème. Si on veut avoir des roues vernies pour avoir le plus d'accroche en compétition et faire un chronomètre, il faut au moins trois jeux. Allez, on va dire au moins deux pour voir vraiment limite Rickerack. Mais je le conseille pas parce que ça fait partir avec des roues qu'on connaît pas. Et puis en optimum, ouais, on va être vite à 4 ou 5 jeux. Mais honnêtement, personnellement, j'ai un freinage qui n'use qu'un seul pied. Donc ce que je fais, c'est que je prends genre deux ou trois jeux de roues, mais je change que la moitié des roues. Je change que mon D'accord. roue pied droit. Parce que j'ai que ce pied-là qui vient se mettre en opposition sur la route et qui vient vraiment user les roues. Ok, d'accord. Donc, mais par contre, c'est un sacré budget, quoi. C'est. Pas forcément. Si on a du grand public qui nous écoute, non, pas forcément. Ça coûte même pas très cher de faire de la descente. Là, on vend quand même un profil de patineur quand je vous parle Oui. du nombre d'euros. Ce profil de patineur où je vais avoir l'avantage d'être soutenu d'un point de vue matériel par FR-Skate. Donc je vais avoir l'avantage de pouvoir avoir l'accès à ce matériel-là. Et je pense que ça va être régulé dans les années qui viennent. Parce que là, ça dépasse l'entendement, quoi. Je veux dire, s'il faut débourser 2000 euros pour être top 5 monde, c'est une aberration. C'est mieux que tout le monde ait la même chance et qu'on n'ait pas tous à débourser des sous et des sous. Sinon, on va se retrouver au minimum, on va dire, un patin lambda neuf qui sera suffisant pour faire de la descente, ça sera aux alentours des 200 euros. Ouais. Après, si on prend de l'occasion, on peut avoir pour beaucoup moins cher. Là, je pars encore en neuf, ça va être 200 euros de patin, ça va être environ 150 euros de platine et 60 euros de roue. Voilà. Après, les roulements sont fournis avec les platines. On peut s'en sortir pour 300-400 euros pour une paire de patins ça reste un budget. Mais on n'est pas du tout dans les mêmes tranches de prix que ce que je viens de dire juste avant entre du FRK 3x125, etc., quoi. Pour un débutant, si après on fait que de l'occasion, moi je m'en suis sorti à 15 ans avec des patins qui allaient très bien et que j'ai gardé jusqu'à 2000, bah jusqu'à quasiment bah jusqu'à Barcelone, jusqu'en 2019, quoi. Donc pendant 8 ans, j'avais une paire de patins qui coûtait pas tant cher, quoi. Ah oui, donc Au moins 300 c'est. euros, je m'en sortais pas trop mal, quoi. Et après, c'est Ouais. du. Voilà, c'est trouver des roues ou quoi que ce soit, mais c'est du réseau, c'est comme tout. Faut demander, faut pas avoir peur de voir les sites d'occasion, rouler avec des roues un petit peu défoncées. De toute manière, quand on commence à rouler avec des roues vernies sur de la descente, généralement, c'est que ça fait un petit moment qu'on vient faire des événements de descente et on a largement Oui. l'info pour avoir des roues qui vont bien, quoi. Mais un débutant sortira très bien avec ses roues tous les jours. D'accord. Ça c'est bon à savoir. Donc si on veut se mettre en descente, en fait, c'est pas, y a pas, c'est Pas cher, pas un gros c'est pas cher parce investissement. qu'un patin, tout le monde peut faire. On peut tout faire avec tout. Oui. Après, il y en a qui vont être plus geeks que d'autres là-dessus. Il y en a qui vont tout de suite mettre 300 euros dans des roues pour faire la descente parce qu'il a entendu un podcast où le champion du monde il dit que c'est bien des roues à 300 euros. Mais non, en fait, si c'est pas adapté à ce qu'il fait, ça sert à rien. Autant qu'il reste avec des roues à 300 euros, c'est très bien. Ça, c'est mon conseil, hein. Si vous voulez vous mettre au roller, prenez des rollers d'occasion ou prenez le premier prix. Et puis au bout d'un an ou deux, vous savez dans quelle voie aller. Si vous prenez des rollers de vitesse Voilà. ou de skatepark, et puis là, mettez un peu plus cher, mais bon, ça reste quand Généralement, même. c'est la deuxième paire. Quand je travaillais à CDK, c'était ce que je disais à des personnes qui disaient, ouais, moi j'aimerais bien des rollers, mais pour pas trop cher. Je leur disais, bah, vous compliquez pas la tête. Moi, j'ai aucune honte à vous dire, bah, allez chez Decathlon, allez à Intersport, vous prenez une paire de rollers, même s'il est nul, au moins vous vous mettrez d'accord sur est-ce que vous aimez bien faire du roller et glisser en roller. Voilà. Et à partir de là, vous reviendrez pour plus de conseils. On vous dira ce qui va, ce qui ne va pas. Bien sûr, ça ne va pas forcément vous aider. Si vous avez budget aujourd'hui de mettre 200 euros dans une bonne paire de rollers en faisant un petit peu leur promo chez FR Skate, vous prenez un FR3, un FRX, ça coûte 200, au maximum 230, 250 euros. Vous avez un patin qui vous tient 10 ans. Les plastiques sont intuables. Les mousses à l'intérieur, c'est pareil. Et voilà. Après, Rollerblade font des très bons patins aussi. K2 pour faire du fitness, ça va bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais une bonne paire de patins à 200 euros, vous avez des patins qui vous tiennent 10 ans, quoi. C'est comme un vélo. Il y a un moment, il ne faut pas se limiter. Mais je peux comprendre qu'une personne qui ne sait pas si elle va aimer ça peut prendre des petits budgets. Et là, il ne faut pas hésiter. De l'occasion pour les 2-3 premiers mois d'été, en fait, votre premier été avec, et puis après, on réfléchit à plus. Pas de problème. Voilà. Quelles sont tes idoles en patinage ? Mes idoles. J'aime bien. Les personnes qui t'inspirent. Les personnes qui m'inspirent. Je vais dire, c'est Harry Perna qui, s'il écoute, s'il écoute, salut. Harry Perna, ce qu'il a tout gagné et qu'aujourd'hui, c'est le patineur le plus complet en descente. Et je pense qu'on va encore devoir attendre très longtemps avant de retrouver un patineur qui soit aussi complet et aussi rapide que lui. Parce qu'il a la technique, il a l'aisance, il a la lecture de piste, il est juste monstrueux à voir descendre et à suivre. C'est pas du domaine de l'impossible, mais c'est compliqué. Il y a intérêt d'avoir un très très gros niveau technique et d'avoir le cerveau bien accroché quand on descend avec. Dans le même genre, on a Daniel Ladurner qui a beaucoup descendu à l'époque de Hyperna où c'était eux qui faisaient 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2 pendant longtemps. Ouais. Et les deux là, c'est deux styles de patinage très différents. Harry, le surnom c'était l'araignée. Il avait un style avec les bras qui partaient un peu à droite, à gauche, machin. Mais voilà, et Daniel, c'est l'Autrichien qui est carré dans sa descente, c'est tout droit, ça freine, ça tourne, tout droit, ça freine, ça tourne, c'est propre, nickel, sans bavure, il freine même sur les lignes blanches pour freiner un peu plus tard parce que ça accroche un peu plus, c'est des gens qui ont un toucher de patin extraordinaire et que je respecte énormément, et qui roulent encore aujourd'hui, et là, c'est, je veux dire, je sais pas si c'est une idole, mais c'est surtout un exemple. En termes de longévité dans le monde du patinage, c'est Christian Montavon qui est un Suisse qui a deux gamins qui roulent depuis des années. Son surnom c'est Junior. C'est pour dire à quel point il date. Il a commencé à faire de la descente avant que je commence à me mettre sur des rollers. C'est-à-dire que lui, à 10 ans, il avait déjà ses rollers. Il est revenu dans le van à faire de la descente et il a jamais arrêté. Et qu'il est toujours dans les 5 ou 6 premiers. Il a encore remporté des championnats du monde en border. C'est un cerveau quand il roule en border. Il a une expérience de fou furieux. Il est très très bon, très très fort, rapide. Un style de patinage à lui. Et c'est un truc de fou parce qu'il est d'une performance sans nom, quoi. C'est-à-dire qu'il est encore là. Je vais le blesser parce que je connais pas son âge, mais 40 ans passés pour rester soft, 40 ans passés et toujours dans le plateau mondial. Après, on a des profils comme ça. On va avoir des David Parent pour les Français qui pareil, qui roulent très très fort. Il a quasi 50 ans, je crois, David. Excuse-moi si tu m'entends, David, si t'as moins que ça. On va voir les Français aussi. Enfin, voilà, tous ces gens-là qui, une fois leur vie, on pourrait dire déjà bien faite, des enfants, maison, projet, etc., qui sont encore là à faire un saut de la compétition, de la descente. Comme je dis, moi, ça me laisse des beaux jours. C'est aussi ça qui me fait que je suis jamais trop inquiet quand je loupe un championnat. Oui, effectivement. Ça se trouve, c'est que le début. Là, t'as peut-être eu tes 2-3 médailles, c'est bien, ça gonfle ton ego, ton estime. Tu vas te prendre une grande claque pendant 15 ans. Et puis tu finiras par la jouer à l'expérience plus tard et que tu te rendras compte que le physique ne joue pas et c'est l'expérience qui va faire jouer, quoi. Ouais, je vais en donner un dernier parce que parce que lui il risque vraiment de m'écouter. Ça va être Babak Rastegar, le Parisien qui fait de la piste de Bob. Et parce que c'est avec lui que je descends tout le temps et je ne vais pas dire que c'est un idole ou quoi que ce soit, mais on a toujours des échanges extrêmement constructifs. Et c'est parce qu'il a été là la toute première fois où j'ai fait de la descente. et qui m'a indirectement pris sous ses ailes et m'a fait voir la descente comme étant quelque chose, un sport de performance. Et plus un simple sport de, et plus du tout un simple sport de, on est là, c'est la déconne et basta pour le résultat. Et parce que c'est un gros cerveau, il saura ce que je veux dire derrière ça. Ok. Alors tu l'as évoqué, mais est-ce que tu peux nous redonner ton palmarès? Ouais, alors j'ai plusieurs médailles en Coupe du Monde sur l'année où il a fallu avoir les qualifications. Une médaille de bronze en border en 2021. J'ai deux médailles d'argent pour les chronos en 2021 et 2016, du coup, qui datent. Et une médaille d'or au border en 2019. Ok, et donc maintenant bah, les questions que je pose à tout le monde. Comment penses-tu que les autres, donc politiques ou Kidam, perçoivent le roller? Kidam, c'est une expression que je n'ai pas, je suis désolé, peux-tu me préciser? Le Kidam, c'est la personne que tu vas croiser dans la rue qui ne connaît rien au roller. D'accord. Ouais, donc du coup, le roller en manière générale ou vraiment ma discipline? Comme tu veux, je. Très bien. J'ai une image quand même assez précise parce que j'ai bossé dans un magasin de roller. Et donc Ouais. j'ai eu ces personnes-là en face de moi. Pour les guidams, donc les monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde, je vais avoir. Ils ont plutôt une image. Loisir, ils ne conçoivent pas forcément que le roller puisse se pratiquer en compétition. Et les politiques, ce sont les mêmes personnes. Donc, c'est des personnes qu'il faut amener à découvrir la discipline et il faut leur montrer pour qu'ils comprennent toute comment dire, l'ampleur de ce sport à l'échelle nationale. Après, pour la discipline de la descente, on a toujours ces stéréotypes de c'est dangereux, vous êtes des fous, etc., que je me bats dur comme fer pour éponger un petit peu cette image-là, parce qu'on est tout le contraire de tout ça, quoi. On est des gens qui, justement, font bien attention. Et les politiques pour la descente, là, c'est vraiment à la perception de chacun. On en a qui sont très contents, parce qu'ils aiment beaucoup ces sports un petit peu marginaux, on va dire, pratiqués par très peu, assez impressionnants, visuels. On est très bien accueillis dans les villes dans lesquelles on fait des événements, et c'est génial de bosser avec eux parce qu'ils comprennent que c'est pas un truc de fou, qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui se font réellement mal. Au final, comme c'est bien encadré, ils ont même plaisir à le faire, justement, à venir voir. Donc, toutes ces personnes-là, toutes les personnes qui agissent pour ce sport-là, encore un grand merci. Et puis, on va avoir les autres qui ils vont être beaucoup plus sur les pointillés, à dire, attends, je sais pas trop, est-ce que c'est dangereux, c'est pas dangereux, qu'est-ce que j'ai à y gagner, etc. Et puis, bon, là, on rentre dans de la politique pure et dure, quoi, comme d'habitude. Pourquoi est-ce que tu aimes le roller? C'est très compliqué. J'ai écrit quelque chose, mais c'est compliqué. En premier lieu, je veux dire, c'est l'effet de groupe. C'est plus ce que le roller m'a apporté. C'est ce que j'aime. J'ai découvert des amis, des personnes qu'on peut considérer comme sa famille, qui sont et qui seront toujours là. C'est pour ça que j'aime le roller, quoi. C'est pour la dimension sociale, on va dire, derrière. Après, pour rentrer plus dans le dur de la chose, de la descente ou quoi, ça va être les sensations. Quand on a tellement patiné qu'on a l'habitude d'être comme dans des chaussures quand on est dans des rollers, ça rend le déplacement plus simple, plus fluide, c'est la sensation de vitesse, l'adrénaline quand on est en descente, c'est quelque chose qui est chouette. Et puis là, quelque chose qui est plus lié à ma personnalité, c'est que je suis tout le temps en train d'apprendre parce que j'arrive pas à faire du roller ou même de faire quelque chose sans me dire qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce qui est bien fait ou qu'est-ce qui est mal fait et pourquoi c'est bien fait et pourquoi c'est mal fait. Et j'aime beaucoup cette réflexion-là autour du roller parce que cette aisance-là m'ouvre toujours un éventail plus large d'apprentissage qui est pas plus large qu'avant mais qui est tout aussi imposant, quoi. Donc c'est chouette. Alors moi je te rejoins sur tes quatre sur les quatre trucs que tu viens de dire, mais je vais revenir sur l'effet de groupe. Là j'ai fait un podcast, je crois que c'est l'avant-dernier, le numéro 24, où donc j'étais sur une rando roller organisée, Ouais. Et donc, il y a des personnes qui venaient de 400 km. Ils étaient un groupe de rollers qui faisaient des petites randonnées dans leur coin. Ils ont fait 400 km pour venir faire une rando ensemble. Ils ont passé un super week-end en camping. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que c'est un lien social, quoi, le roller. Mais ça m'impressionne toujours de voir cet effet-là, notamment dans le monde du roller, le monde de l'associatif de manière générale Oui, crée ce voilà, lien-là. Mais alors, je ne sais pas si c'est parce que je baigne dedans et que je suis pas du tout objectif, mais je trouve que le lien social créé par le roller est quand même extrêmement fort. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui relie énormément les gens. C'est un peu cette même essence que dans les skateparks pour les enfants, pour les ados. C'est-à-dire qu'un enfant, un ado qui est dans un skatepark, il est dans un monde, dans un milieu social ou quoi que ce soit, et les gens sont très vite amenés à parler entre eux, à tisser des liens et créer des bandes ensemble. Et en fait, on retrouve ça au roller, et là, on est plus dans un monde plus adulte, moins skatepark, c'est moins ado ou quoi que ce soit. Et pourtant, on a une vraie acceptation de tout. Je vais prendre par exemple le roller derby, sport féminin et féministe pratiqué en France de plus en plus. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec justement une acceptation de toutes les différences, soit morphologiques, sociologiques, quoi que ce soit. Et c'est beau à voir, quoi, de voir que les gens finalement vont s'aider, vont s'entraider. Un exemple tout bête, hein, aujourd'hui je faisais le déménagement d'un ami à moi qui m'est cher du monde du roller. C'est tous des gens qui ont un lien avec du roller, et ça a tissé un groupe qui est noué et soudé depuis 10 ans, quoi. Et c'est chouette, c'est chouette. Ouais, c'est clair, ouais. Mais je crois que c'est, comme tu dis, encore plus présent dans le roller derby. Et on a fait, voilà, et on a fait la même chose, hein, de faire des randonnées. On faisait 2 heures de route pour aller faire une randonnée, pour changer un petit peu de Nancy et autres, et partir en convoi à 3, 4, 5 voitures, quoi. Alors, quels sont tes objectifs à proche et à long terme et qu'est-ce que tu fais pour les atteindre? À proche et long terme, je veux dire que ça va être continuer de transmettre ce que je sais dans le club de vitesse de Nancy, le NRV, qui a été créé par mon meilleur ami il y a longtemps, il y a 10 ans. Et je trouve que c'est un bon retour de comment dire, de service donné, quoi. C'est-à-dire que lui m'a fait découvrir le roller, et puis si je peux transmettre un peu tout ce que j'ai appris et tout ça à ces personnes, c'est du plus. Donc j'ai un vrai plaisir à donner des cours, et j'aimerais bien continuer à proche et moyen terme. Après, me concernant, je vais dire ça va être les prochains roller games en Argentine. Après, là j'ai un changement de situation professionnelle, donc étant photographe cette année-là, ça va être un petit peu délicat. D'être toujours sur des rollers et autres, parce que c'est une autre fonction de vie, c'est complètement autre chose. Et c'est vrai que le roller ces derniers temps, c'est pas quelque chose qui moi m'occupe énormément. J'en fais plus, presque plus actuellement. Difficile à répondre à cette question. Je pense que je vais avoir un regain au printemps où je vais me dire, allez, on va s'entraîner pour les championnats d'Europe. Après, si tout se passe bien, techniquement, l'année prochaine, ça va être d'essayer la piste de bobsleigh en roller. Ça va être d'aller faire plus d'événements en Europe, notamment en Lituanie, notamment en Russie aussi. Et des gros événements qui sont organisés en Espagne aussi. Donc ça serait chouette que j'arrive à faire tous ces événements-là. Mais il faut un soutien financier, il faut le temps de le faire, et que ça se fasse tout simplement. C'est que les rollers soient acceptés sur des événements où il n'y a que des skates. Et là, on rentre dans de la politique, on rentre dans tout ça. Donc, à moyen terme, je vais dire de continuer à faire de la descente. À long terme, comme je l'ai dit, de continuer à perdurer dans ce monde-là, même dans les compétitions. Et Allô? ouais, tu m'entends? Ah, je croyais que je t'avais perdu. Ok. Et donc, quelle est la question que l'on te pose toujours et à laquelle tu en as marre de répondre? Mais la descente, c'est dangereux, non? Voilà, je crois que le message est passé. La descente, c'est pas plus dangereux qu'autre chose, quoi, Ah, ça, que la non, Formule 1 mais ou non, autre. mais bien sûr que c'est dangereux, mais faut remettre dans le contexte. C'est-à-dire qu'on va Oui. pas mettre un débutant dans une descente abrupte sans expérience. Ça n'a pas Voilà. de sens. On va mettre un débutant dans une petite descente bien encadrée, bien sécurisée. Et puis petit à petit, ce débutant-là prendra de la maturité et fera de plus en plus. C'est comme partout, il y a un moment où il faut apprendre. Exactement. Et donc l'autre question, c'est quelle est la question qu'on ne te pose jamais et à laquelle t'aimerais bien qu'on te, à laquelle tu aimerais bien répondre? Bah, je sais pas. J'ai un blanc. Je sais pas. Bah, c'est pas grave. Alors, à quel âge tu vas arrêter le roller? Bah, quand je pourrais plus remonter sur des rollers. Ok, donc 90 ans ou 100 ans, on sait pas, on verra. On sait pas, hein, peut-être qu'on verra à la télé le plus vieux papy de France, 98 ans sur ses rollers en train d'aller acheter son pain. Je sais pas. Ouais, mais j'ai vu une petite vidéo sur YouTube là où il y a un lac qui est gelé et t'as une mamie qui a 90 ans qui chausse ses vieux Extraordinaire. patins. Ouais. Et je Ouais. l'ai vue, elle est extraordinaire. J'ai adoré. Je trouve ça fou parce que c'est culturel. En plus, dans son pays, de se déplacer en roller Ouais, pour je en crois que c'est roller en Russie ou dans un pays de en l'Est, Russie, ouais. quoi. Et je trouve ça, je suis admiratif, sincèrement. Ouais. Et ça donne envie en fait. Tu te dis, mais Ouais, si je pouvais t'as faire comme raison. elle à son âge. Oh. Ouais. Est-ce que tu aurais une astuce pour les rollers, préparation du matériel, nourriture, je sais pas. Une astuce matin, je sais même plus ce que j'ai écrit ici. J'ai écrit que il faut savoir adapter sa pratique, son matériel à son niveau de patinage. C'est-à-dire, faut pas chercher à, comme je dis, à être trop geek. Ça sert à rien d'avoir des patins tout carbone pour aller faire de la randonnée en centre-ville. À un moment, en centre-ville, ça va vibrer, avoir besoin de maintien, quoi que ce soit. Faut vraiment s'adapter. Après, on a des professionnels en France qui bossent là-dedans. J'y ai bossé dans ces magasins-là. Vous allez retomber sur des personnes qui ont beaucoup d'expérience, qui vont savoir vous orienter. Il faut pas du tout hésiter à appeler. Donc, je pense que le meilleur des conseils, c'est de prendre le temps d'appeler une de nos boutiques françaises qui vendent des rollers. Ça peut être Waysurf, Nomad, le CDK pour ne citer que eux. Click and Roll aussi dans le sud hein, pour ceux qui sont en bas. Donc, vraiment se faire conseiller. Et le meilleur des conseils, c'est peut-être pas forcément, ça va peut-être pas être très bien pris, mais faut pas écouter le plus vieux de la randonnée du coin qui connaît tout sur roller, ça fait 30 ans qu'il en fait. D'accord, bah c'est Voilà. un bon conseil. Je pense qu'il faut garder un esprit critique, que ce soit sur sa pratique, comme je dis, pouvoir se poser les questions sur est-ce que je fais correctement ou pas. Garder un esprit critique sur le matériel qu'on utilise, est-ce que mon matériel est adapté, et garder un esprit critique sur est-ce que son conseil est adapté à ce que je veux faire. Parce que j'en ai eu beaucoup qui se sont fait mal parce qu'ils ont été mal conseillés, techniquement parlant, sur un geste de patinage. Et Ah ouais. après, ouais, faut pas du tout hésiter à prendre contact avec des clubs, à discuter et à poser un maximum de questions avant de s'aventurer à faire quoi que ce soit. J'ai eu des coccyx cassés pour mauvais conseils. Ah oui, donc ouais. Et comme tu dis, se remettre en question, c'est ce que tu as fait toi en prenant le 3x125 alors que tout le monde était en 5 roues. Ouais, je veux pas dire que je suis le Messie qui a inventé l'eau chaude, hein, mais faut. C'est parce que je suis resté dans cette démarche de pose-toi des questions pour avancer. Quitte à te planter, hein, si ça se trouve, je me serais planté, il n'y a aucun problème. Il faut Ouais, savoir mais poser des questions. alors tu vois, c'est pareil, j'interviewais Priscilla qui me disait, donc elle, c'est le patinage artistique, le roller en ligne artistique. Ah ouais, c'est un Et monde. donc elle me disait, mais en fait, il y a des pros qui sont arrivés sur une compétition Oui. en intérieur, enfin c'est toujours en intérieur, et ils se sont rendus compte que le sol était glissant et ils n'avaient pas de roue de rechange. Et donc bah c'est un truc qui me semble tellement basique quoi, Ouais. mais même des pros tu vois se font avoir sur ça, sur du sol, sur un sol qui est plus glissant que dans leur salle à eux, et ils se sont fait voilà. Ah ben oui, et là-dessus, on en revient toujours à cette question de le référentiel, entre guillemets. À partir de quand tu estimes que tu es pro, ou à partir de quand tu estimes que tu parles à quelqu'un qui est professionnel? Parce que c'est bien facile que je dise à des gens, parler à des professionnels. C'est une question, il faut mettre les chances du bon côté. Un pro, ça va être une personne qui va beaucoup, beaucoup pratiquer sa pratique et qui va avoir un niveau certain dans son domaine, peu importe X ou Y. Et un professionnel, bah, une personne qui va bosser dans un magasin, qui va être tout le temps en lien avec des rollers et des choses comme ça, va pouvoir apporter des bons conseils. Mais il faut pas oublier que l'erreur est humaine. Hein. À un moment, On s'est tous plantés un jour ou l'autre sur des compétitions. On a tous pensé, on est humain. À un moment, j'ai pas un petit ordinateur dans ma tête qui me dit, Sylvain, fais comme ci, comme ça, comme ci, comme ça pour gagner. Tu vas voir, tu vas gagner. Non, je vais faire d'une certaine façon. Ça sera peut-être pas la bonne. Et puis à l'arrogance, un jour peut-être qu'il va parler et qu'il a déjà parlé en me disant, non mais je vais faire comme ça. Toi, tu me dis de faire comme ça, mais je vais pas t'écouter parce que entre guillemets, je suis meilleur. Je pense que tout le monde a à apprendre de tout le monde, que ce soit, soit à sa petite échelle ou à une échelle internationale. On a à apprendre de la personne de la randonnée qui patine un peu mieux, mais cette personne a aussi à nous apprendre. Et on a à apprendre à cette personne-là. C'est ce que j'ai fait en randonnée. Hein. Je veux dire, au début, c'était recopier bête et méchant ce que je voyais à la randonnée. Et puis c'est venu comme ça. Donc faut pas du tout hésiter à discuter. Et alors moi je vais dire une définition, j'ai entendu ça, la définition d'un expert, donc ça peut être expert pour expertiser n'importe quoi, une voiture qui a été cassée ou n'importe quoi, c'est quelqu'un qui se trompe moins souvent que les autres. Voilà. C'est ça. Et je trouve que c'est une très bonne définition. Ah oui, très très bonne, Ouais. oui. Mais éviter quoi. À un moment, faut accepter aussi de se planter, hein, comme tous ces gens qui acceptent pas de prendre le temps d'apprendre et de se planter. À un moment, on n'a pas appris à marcher en un jour. Hein. Quand on voit un enfant, une fois où il va se gaufrer la tête contre un mur ou tomber par terre avant de réussir à marcher comme toi adulte, on sait marcher. On va dire faire du roller, c'est pas forcément entre guillemets plus compliqué qu'apprendre à marcher quand on est enfant. Tout à Faut fait, juste ouais. répéter, répéter, répéter, répéter et puis apprendre à tomber. Alors, qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du roller? J'adore parce que cette question elle est tout le temps posée. Elle Ouais. est tout le temps posée. Je sais pas, moi, qu'est-ce que je ressens. Je veux dire, je ressens rien parce que c'est comme je dis, c'est comme si j'étais en train de marcher. À un moment, c'est la sensation de glisse, bien sûr, c'est agréable. On va avoir la phrase cliché, la sensation de liberté. On va avoir un peu toutes ces phrases déjà préfaites, mais sincèrement, on me demande qu'est-ce que tu ressens? Je sais pas moi ce que je ressens. Je me déplace. Après, parce que j'ai une utilisation du roller quotidienne, on va dire, pour aller faire des cours, des ci, des ça, voilà. Après, quand c'est des pratiques en club, qu'est-ce que je vais ressentir? Bah, je vais ressentir le fait que j'ai plein de retours de sensations, de feeling, des choses que je ressens pas quand je suis à pied, quand je suis sur un vélo. Mais oui, ça va être ces sensations de glisse qui est hyper sympa, mais que je vais retrouver quand on va aller faire du surf, quand on va aller faire du skate, de la trottinette. Voilà. Ça va être sensation de glisse, je veux dire, quand on ressent quelque chose. Mais bon, ça veut tout et rien dire, une sensation de glisse, quand on n'a jamais glissé. C'est vrai. Et puis, bah, je crois que tu as déjà répondu à cette question, mais donc, ton meilleur souvenir en roller? roulement de tambour. Ouais, qu'est-ce que ça peut Non, quand même. être? Non, mais bien sûr, retrouver ma famille et mes amis après la victoire à Barcelone. Voilà. Eh ben, Et puis, super. j'en ai mis un deuxième. C'est vrai que c'est un souvenir que j'ai gardé longtemps. On avait fait la mecque du roller des descentes, c'est Lausanne. Parce que Lausanne, la ville, elle est à 45 degrés, littéralement. Mis à part le port de Ouchy en bas qui est à plat, toute la ville est en descente. Et donc, Christian Montavon qui habite là-haut, donc j'ai parlé tout à l'heure, connaît extrêmement bien cette ville-là et a appris à descendre dans cette ville-là. Et on a eu fait pendant un événement en Suisse qui a eu lieu, qui avait été organisé à côté de Lausanne. Donc on a descendu avec donc Harry Pernal, que j'ai cité tout à l'heure comme étant une des légendes aussi, Montavon, Balak, Florent, un autre ami aussi en descente. Donc on imagine bien le cocktail avec 5-6 oiseaux à roller et 2 ou 3 neurones dans la tête. C'était très sympa parce qu'on a passé toute la soirée à descendre en ville. Voilà. Bon, après, on avait les casques, on avait les dorsales, on avait tout. Hein, mais c'était voilà, c'était la route ouverte. Je le conseille pas, c'est pas un exemple, je dis pas. Et juste, c'est ce qu'on fait, quoi. C'est ce qu'on fait et ça a été un vrai plaisir de faire cette soirée-là parce qu'il y a eu de très très bons souvenirs qui ont été gravés pendant cette soirée. Et ben ouais, encore une fois le lien social quoi avec d'autres personnes quoi, c'est Exactement. Exactement. Ok, Bah, ben on arrive vraiment sur la fin de l'épisode. Est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter avant que je ne conclue? et ben merci. Merci beaucoup pour tout cet échange, le temps accordé, le travail donné pour faire découvrir un peu le roller au grand public, même aux spécialistes qui doivent écouter aussi ton podcast. Merci pour tout. J'ai pas beaucoup plus de mots à dire. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger autour de ça. J'espère que j'ai été clair, que j'ai pas. Eh ben oui, parce que moi, comme je te dis, j'aime bien faire du roller, mais il y a tellement de disciplines que ce podcast me permet de découvrir toutes ces disciplines. Donc moi, je connais pas grand-chose au final, hein. Et le podcast, justement, ça me permet d'en apprendre un peu plus tous les mois. Une super initiative et je suis très content justement ton initiative de vouloir apprendre sur le roller en faisant des podcasts ou quoi que ce soit puisse toucher d'autres personnes qui n'ont pas à faire ton travail d'interview. Mais c'est super chouette parce que voilà, c'est des personnes comme toi qui font avancer l'image du roller en France. Tout à l'heure, j'avais un discours un petit peu négatif sur le sport en France ou quoi que ce soit. Mais voilà, quand on dit que ça vient de l'intérieur, ça vient des personnes comme toi qui sont investies à leur échelle justement sur les disciplines, sur la découverte, sur la communication. Et on a besoin de ça. Et donc voilà, c'est un sincère et un franc merci que je te donne. Eh ben, merci, merci à toi, je l'accepte. Et j'en suis très content alors. Voilà. Eh ben super, donc je vais pouvoir finir. Donc je suis toujours à la recherche de quelqu'un pour m'aider à faire ce podcast. Si j'en ai tout seul, c'est. Voilà, je peux sortir qu'un épisode par mois si je suis tout seul. Donc si vous venez avec moi, on pourra peut-être en sortir plus qu'un par mois. Donc n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou via le mail que je laisse en description de cet épisode. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode. Parlez de ce podcast à vos amis, à vos ennemis. Vous leur faites écouter de force vos épisodes préférés. Et puis voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, mais n'hésitez pas à faire des dons pour Roller en ligne, le site de Roller en ligne. En plus, en période de nouvelle année, là, on cherche d'argent pour que le site continue à vivre. Voilà, c'était Balade Roller, le podcast de roller en ligne à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.